Eh ben c'est pas l'heure du 4 heures, c'est pas vrai. C'est non, on va pas causer polar sur Radio Libertaire puisque ça va être bulle de rêve, les coulisses du cinéma d'animation. Et donc là, cette fois-ci, c'est un autre morceau qui commence, s'il vous plaît. Arrêt en décembre et une nuée d'oiseaux pendant une minute pour vous souhaiter tout plein de bonnes choses, même si c'est toujours difficile, mais en 2019, on va y croire. Une première émission de l'année avec un débat critique avec deux personnes que vous entendez rarement au micro de Bulle de Rêve, qui sont Francis Gavel. Bonjour Francis. Bonsoir. Qui a plein de papiers, plein de choses. Il est très occupé, il a son émission juste après. Et Nicolas Tiss. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Donc voilà, on va parler avec eux de trois sorties. Ça fait longtemps, on essaye à chaque fois de faire des débats critiques. Les deux autres compagnons qui devaient être là ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc voilà, donc ils sont tous les deux. Ils vont débattre de trois longs métrages, Minuscule 2, Wardy et Another Day of Life. On en parlera un tout petit peu. On parlera aussi avec eux. Ils vont nous dire, parce que on est beau être en janvier. En tout cas, trois films qu'ils ont aimés en 2018, un top 3, rien de bien, juste pour le plaisir d'avoir quelques noms de films à voir. Et on fera un petit débat sur les Césars, avec les longs et les courts, je vous en parlerai un tout petit peu, je leur poserai 2-3 questions par rapport à ça. En deuxième partie de l'émission, on n'aura pas l'interview en entier, malheureusement, parce que je pense que comme elle est très longue, mais il y a deux jours, j'étais à train-train, et donc il y a une interview de Gilles Cuvelier, elle sort de Full Time Job, qui est en compétition pour les Césars. 1h10, il a répondu au questionnaire et c'est assez intense, c'était vraiment bien. On se connaît bien avec Gilles, je vais pas vous mentir. Et donc c'était comment mettre en place cette interview avec quelqu'un qu'on connaît et qui vous allez voir, moi j'ai bien aimé en tout cas. Vous me direz après ce que vous en pensez. On aura, si je vous dis ça, c'est qu'on aura très très très peu, mais très peu de coupure musicale, parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc en gros, si on en a deux, c'est déjà énorme. Donc déjà, j'en ai pas énormément. Donc je vais en faire une juste là pour... parce que je suis arrivé en retard comme d'habitude. Donc voilà, donc on va juste en mettre une. Juste avant, je ne vais pas refaire les fameux, je me souviens, encore une fois, Nicolas les fait tellement bien que ça serait la parodie que j'oserais faire. J'en ai déjà essayé une fois, c'était pas bon, mais je me souviens des moments donnés où aller au cinéma et aller au spectacle, c'était aussi être choqué, c'était aussi être un peu bouleversé par ce qui se passait. J'ai appris ça il y a quelques jours, il y a quelque chose qui est en train de se passer aux États-Unis et au Canada bientôt, ça arrivera peut-être un jour en France. Imaginez, vous êtes dans une salle de spectacle, une salle de cinéma, et il y a quelqu'un qui s'installe et la personne qui est en face vous indique que juste là, au troisième rang, au deuxième rang, vous avez quelqu'un qui s'appelle le gardien du senti. Alors, pas trop ce que ça veut dire, plus ou moins le sentiment, le ressenti. Et en fait, c'est quelqu'un que vous pouvez aller voir à n'importe quel moment du film ou du spectacle pour lui dire « Oh, je suis choqué par ce que je suis en train de voir » et qui va sortir avec vous, qui va vous parler, qui va discuter. Il va vous donner son numéro de téléphone pour après. Peut-être si jamais vous n'allez pas bien ou etc. Et la personne qui m'en parlait est une directrice de festival de documentaires qui me disait que c'était qu'une de ses collègues avait dû faire ça, avait dû expliquer à une réalisatrice syrienne qui venait de montrer un film sur sa vie en Syrie, puis sa vie ensuite de réfugié, qu'il y avait quelqu'un dans la salle, au cas où quelqu'un, un Canadien, se sente mal, ou trouve que c'est un petit peu dur quand même, ce qu'on lui montre à l'écran, et ça se fait pas. Et elle s'était très très mal, parce que la réalisatrice syrienne ne comprenait pas trop pourquoi, en effet, il y avait quelqu'un. Donc ces dérives sont un peu inquiétantes. Je sais que ça se base sur quelque chose qui est un manque de représentativité depuis des années de ce qu'on appelle les minorités ou autre chose, mais c'est un peu inquiétant si on a ces espèces de dérives maintenant où on ne peut plus choquer, on ne peut plus rien faire, et l'art notamment est quand même fait pour ça, et on verra si ça marche ou pas, mais on a pas mal de films de plus en plus dans l'animation, en tout cas en long métrage, qui justement tentent d'aborder en tout cas des sujets graves. Encore une fois, on verra tout à l'heure si ça marche ou pas. Et si le meilleur album de l'année finalement c'était pas un album, c'est sans transition, était pas un album de quelqu'un de récent, mais était un album de quelqu'un qui nous a quittés, qui est, comme l'un des morceaux le dit, est sûrement immortel, et un album qui finalement ne cherche pas à puiser dans les fonds de tiroir, comme sûrement pour certains chanteurs qui meurent et qui, 6 mois après, vous avez droit à tous les albums. L'un de mes albums préférés l'année dernière, c'est En amont d'Alain Bashung, un album absolument incroyable, bien mis en place, enfin voilà, avec des chansons qui se tiennent, peut-être l'un de ses plus beaux albums même, et j'ai pas voulu passer Immortel, qu'on entend beaucoup, et donc on va passer Montevideo, qui est la 4e ou 5e de l'album et qui je trouve est magnifique, et on revient après pour le débat. À tout de suite. J'ai mis du vent sous mon chapeau. J'ai mis du tango sur ma peau. J'ai mis du son, j'ai mis du silence et de l'eau. J'ai mis du sens à tous les mots. Tu vois, ça fait longtemps que je me déguise là-bas. J'ai laissé tomber mes valises. Il y avait des cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre, et j'ai failli tomber de haut. J'ai mis du temps pour oublier que je t'aimais trop. J'ai mis du temps à te faire la peau. J'ai mis du vent sur ma moto. J'ai mis du vertige et de l'eau. Tu vois, ça fait longtemps que je me fais peur. Des fois, je me dis que je vais m'enfuir avant l'heure. Cerfs-volants qui flottaient sur la mer au sud de Montevideo. Quelques milliers d'amants qui s'embrassaient par terre, et j'ai failli tomber de haut. Il y avait des cormorants fixer les falaises au sud de Montevideo. Quelques milliers d'enfants qui chassaient les sirènes. J'ai dérivé jusqu'à Rio. Et voilà, Bulle de rêve. Bashung, superbe album, vraiment, je vous le conseille énormément. Vous le verrez d'ailleurs dans le questionnaire, Gilles Cuvelier reparle de cet album-là. Allez, 2019, un petit top 3, c'était informel, hein, c'était pas du tout. L'idée, ouais, c'était juste que voilà, vous disiez quelques films qu'on doit regarder, qu'on doit, que les gens qui nous écoutent doivent remarquer. Allez. Non, 3, c'est bien. Ok, moi j'ai fait une petite liste au cas où, et j'en ai mis 8. Donc, mais. Alors, moi, top 3, c'est 3. Alors, Francis, puisqu'en plus je te sens parti, c'est parti, Francis. Ouais, alors, un peu dans. Non, pas dans le désordre. En fait, il y a, dans l'année donc 2018, il y aura eu quand même une séance exceptionnelle. Donc, ça fait deux films déjà pratiquement dans une séance. Je peux tricher plus ou moins. Il pourrait y en avoir quatre. Ça sera un souvenir quand même d'une séance incroyable qui était cette séance à Annecy. Cette séance avec donc deux films présentés en même temps, un moyen métrage, un court métrage, des choix où on se disait pas possible, il va se planter, Marcel Jean, qu'est-ce qu'il fout, directeur artistique du Festival d'Annecy, voilà. Ceux qui ne le sauraient pas, ce magnifique gâteau d'Emma de Sueff et Mark James Rawl, présenté en, alors, 45 minutes, un film un peu absurde sur, complètement absurde même, le Congo belge et la colonisation. Et puis, deuxième partie de cette séance, un film d'un quart d'heure à peu près, qui est le Make It Soul de Jean-Charles Mbothi Malolo. Là, un film sur la musique, sur la soul music, sur des figures emblématiques comme James Brown, Solomon Burke et Sam Cooke, qui quand même est présent du début à la fin du film, même si c'est juste comme ça. Et puis un film qui au début du film quand même parle de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et en pensant au top 3, je me suis dit, à l'époque d'Annecy, je me suis dit, mais c'est une planture complète de mettre un film comme ça, absurde et contemplatif, et puis un autre bourré d'énergie, qui en plus avait fini sur scène avec Jean-Charles Mbothi Malolo et des danseurs avec lesquels il bosse, comme ça, comme un grand concert de soul music et de la danse sur le plateau. Enfin, voilà, on avait quitté le cinéma pour autre chose et en même temps, on y restait. Finalement, ces films qui avaient l'air de pas se rapprocher, ils ont un truc en commun, c'est que c'est deux films sur le regard de l'homme blanc sur l'homme noir. Et peut-être un de plus en filigrane qui est Make It Soul, et l'autre de manière directe. Et finalement, c'est quelque chose qui peut-être les rassembler, mais comme ça, vraiment de très loin. Après, c'est un film. Oui, ou c'est deux. Allez. pour moi, un film. Là, on est sur du court. On reste sur du court, qui est bon. Mais ça, je l'ai dit 15 fois, donc tout le monde va savoir. Une série Z, un film culte. Hein, donc, c'est La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel. Malheureusement, absent du Festival d'Annecy, mais on peut vivre sans être présenté à Annecy. C'est pas grave non plus. Parce que c'est un film complètement délirant. En même temps, c'est un film avec sous-jacent un message écologiste. Et demain, c'est plus les zombies qui vont prendre le pouvoir, mais ce sont les sacs plastiques, création humaine totale, et qui vont se retourner contre leur créateur. Voilà, c'est un film complètement hallucinant et complètement barré, mais j'aime beaucoup. On reste sur ces trois-là. Ouais, on reste sur ces trois-là. Non, le troisième, c'est pas aussi important que ces trois-là, qui ont vraiment marqué, genre, je pense, mon année, quoi. L'attente et après la révélation quand je les ai vus. Nicolas. Alors, ouais, non. Pour moi, c'est vrai que c'est un top 3, c'est très compliqué quand même. Donc voilà, c'est l'avantage de que tu passes en dernier, je pense. C'est aussi que comme ça, tu peux évacuer tous les films qu'on dit, comme si tu peux garder ce qui reste. Moi, je mettrais en premier peut-être, je vais faire dans le court-métrage aussi, La Chute de Boris Lavé, qui, c'est pas forcément une grande surprise, mais c'est vraiment un film qui est vraiment exceptionnel, qui poursuit vraiment le travail entrepris par Boris Lavé, notamment avec Rhizome, avec son précédent aussi, encore Kyrielle. Et là, justement, c'est une espèce de visite en enfer, dans l'enfer de Dante, qui est complètement expérimental, qui joue énormément sur les cycles, la répétition, qui est avec une musique absolument grandiloquente et qui est vraiment complètement fascinant. On reste devant, mais c'est vraiment complètement fascinant. J'espère pouvoir proposer une interview de Boris Labbé. Il sera à Clermont-Ferrand. Donc, si j'arrive à aller à Clermont, voilà, normalement, ça devrait être le prochain invité principal. En tout cas, voilà, une longue interview de Boris Labbé ici même. Parfait. Et le deuxième, en fait, on peut rester dans le côté justement complètement la fascination vraiment des images aussi, rien que par rapport à ça. C'est Le Tigre de Tasmanie de Virgin Keaton. Moi, je ne les ai pas cités parce que je savais que j'allais le faire. Si vous avez cité pour moi aussi, je suis tranquille. Voilà, mais bon, c'est. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi l'un des plus grands films aussi de l'année, très clairement, tout genre confondu, tout format confondu. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est absolument démentiel. Là, c'est pareil, c'est aussi une espèce de plongée dans une espèce d'apocalypse autour d'un animal qui a disparu, et un animal assez particulier, le tigre de Tasmanie, dont la réalisatrice s'amuse avec un rendu assez particulier, là aussi, à le faire tourner, à le faire bouger dans des espèces de formes circulaires, avec cycliques. Avec la seule image d'archive qu'on a. Voilà, avec la seule image d'archive. Ouais. Et à côté de ça, elle fait fondre les glaciers. Il y a quelque chose d'extrêmement terrestre, minéral, qui est vraiment, vraiment magnifique. Et c'est vraiment une plongée littérale dans les enfers pendant 8 minutes aussi. On a l'impression d'une apocalypse, sauf qu'à la fin, il y a peut-être un petit peut-être un petit espoir en plus quand même là. Voilà, en tout cas c'est vraiment deux films qui étaient vraiment passionnants, et en fait après si je dois en choisir un troisième aussi, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et juste pour dire, en effet, pour aller un peu dans ce que disait Francis, le Tic de la semaine n'était pas à Annecy, je sais non pas s'il est à Clermont, beaucoup de ces non, il n'est pas à Clermont, mais c'est pas grave chers amis parisiens, car le 18 février il sera à la Cinémathèque française en... voilà. Dans la programmation, le cinéma d'animation dans toutes ses étapes. Et on va en reparler. Évidemment. Et il était aussi au Carrefour d'animation. Et là, si on l'a raté. Un bon choix. Voilà. Et il était à Berlin en plus. Oui, il a commencé il à Berlin. Il a commencé sa carrière à Berlin, ce qui est quand même une jolie manière de commencer une carrière. Le troisième, allez. Alors, tu le troisième, j'ai eu le temps de réfléchir. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'en ai au moins 3 ou 4 ou 5 qui me courent dans l'esprit. Un qui est un peu moins cité par tout le monde, que je vais peut-être prendre et que j'aime beaucoup, c'est. Qui était aussi à Cannes d'ailleurs, comme La Nuit des Sacs Plastiques, c'est le sujet de Patrick Bouchard. Ah oui, c'est, en fait c'est toute la quinzaine des réalisateurs, quoi, pratiquement. Pratiquement, c'est vrai. Donc le sujet de Patrick Bouchard que je trouve vraiment, vraiment magnifique, dans le sens où aussi, c'est un film qui réfléchit, alors déjà sur le rapport créateur-créature, mais donc ça c'est quand même quelque chose qui peut être déjà vu, mais là qui prend la forme d'une dissection, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de qu'est-ce qu'il y a dans un corps animé, qu'est-ce qu'il y a dans un corps qu'on va pouvoir essayer d'ouvrir, et qu'est-ce qui va ressortir de ce corps. Et on retrouve vraiment une des thématiques qu'il avait déjà utilisées, notamment dans Bidlo, la chose extrêmement lourde. Là, il va ressortir notamment une enclume. On a l'impression qu'il y a un poids littéralement dans le corps. Et le corps, en plus, ça a l'air d'être de l'argile. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez malléable, qui a l'air d'être pas forcément très lourd, et en fait, qui est beaucoup plus lourd que ce qui paraît. Et ce qui est à l'intérieur, c'est vraiment... Enfin, il y a toute une dimension psychologique aussi qui transparaît aussi dans, dans tout ce qui va ressortir de l'organique et du corporel. Et prendre ça sous forme d'une espèce de dissection, tout en mélangeant les techniques, en utilisant aussi de la pixelation, etc. J'ai trouvé ça vraiment aussi très très bien. Voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi la chute, le tir de la semaine, comme ça c'est fait. Pour continuer dans la fabuleuse programmation, je le dis parce que je le pense sincèrement. Je t'ai laissé 3 de Martha Payek. Merci. C'est du bol. Par le film de Martha Payek, réalisatrice ô combien importante et programmation absolument épatante de Francis Gavel ici, je le dis. Non pas parce qu'il est à côté de moi, mais parce que je le pense à la Cinémathèque, puisqu'on commencera par l'Impossible Figures Another Story 2 de Martha Payek, on finira par le 3. Sincèrement, c'est une séance à pas louper. Je dis pas que tout est bon, mais en tout cas, non, mais ça est assez exceptionnel. On verra le Tic de Tasmanie. La chute n'est pas dedans parce que si, parce qu'il non, la chute est non, je pense pas. La chute est pas dedans parce que effectivement, j'avais par rapport là, on parle aux carrières des films, j'avais plus envie de mettre en avant, si je prends un cinéma plus expérimental, de mettre en avant le film de Virgin Keaton que la chute de Boris Labbé. Non, et pas parce que j'aime pas la chute de Boris Labbé, hein. Mais juste en me disant, je pense que voilà, le film de Virgin Keaton, il n'était pas à Annecy, il faut quand même arrêter de déconner parfois, et que donc, là il y a cette possibilité de programmer, on revient. Et puis voilà, on avait déjà programmé Mars et Van à la Cinémathèque. C'est suivre aussi les auteurs. C'est suivre, mais on l'a fait aussi pour Boris Labbé, hein, puisqu'on l'a aussi programmé. Donc 3 de Martha Payek qui continue cette introspection de relations, notamment bien sûr homme-femme, et ici dans une relation là où on était. Alors dans le 2, on est dans un labyrinthe, cette maison qui évidemment pourrait la représenter, en tout cas intérieurement, et là on est dans un face-à-face digne de Pina Bausch, hein, digne d'Interessel Kersmaker, avec toutes ces chaises comme ça, enfin avec des chaises, il y a un très bon moment dans Pina Bausch comme ça, et là c'est juste cette relation entre les deux, et monstre qui est le monstre, qui n'est plus le monstre, ce moment toujours extraordinaire qui va faire kiffer la patte de Martha Payek, c'est cette chanson quasiment complète, en tout cas qu'elle met à la moitié du film. Et la première fois dans Impossible 2, on se disait, oh, elle fait fort quand même, parce que là, pour mettre ça, et là, elle récidive et elle remet encore, et ça marche à chaque fois. Là, on pourrait croire à une facilité, c'est absolument extraordinaire. Je vais vous donner, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il y a un film qui m'a énormément marqué, dont les images sont encore en tête au moment où je vous parle, c'est Le Marcheur de Frédéric Henault. Film absolument extraordinaire, je trouve, qui parle de qu'est-ce que le combat aujourd'hui, qu'est-ce que c'est combattre aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'un seul coup prendre une décision et aller jusqu'au bout de cette décision. Et le film, je trouve, quasiment sans concession, non seulement au niveau du ton, mais aussi au niveau du visuel. C'est-à-dire qu'il y a un visuel qui part dans tous les sens, enfin pas part dans tous les sens, ce serait n'importe quoi, c'est qui va dans une direction où des fois on se dit, oh là là, il est sur le... sur le fil, ça va aller vers où, on voit juste des petits bouts, et finalement ça donne justement une force absolument extraordinaire. Moi, c'est un film qui m'a bouleversé. Je vous le conseille vraiment s'il passe, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais faire une petite, je vais en dire un peu plus que trois, mais juste, je vais faire un tir groupé sur les trois derniers. Le dernier, c'est un film que je vous conseille de voir. Il va passer dans beaucoup de festivals, je l'espère. C'est le nouveau film de Jonathan Hudson qui s'appelle Rough House, et qui est un film qui gagne à être vu, en plus, je trouve, plusieurs fois. C'est-à-dire que la première fois, si on connaît le travail de Jonathan Hudson, on se dit presque, oh, c'est presque trop parfait. Il l'a fait en France, c'est produit par Papy 3D, il y a celui de Train-Train, on sent derrière une patte qu'il n'y avait pas forcément. Et plus on avance, moi ça fait plusieurs fois que je le vois, et je trouve qu'il reste en tête, et que ça parle de harcèlement, comment on peut aller trop loin à un moment donné avec quelqu'un, comment on peut croire que c'est aller des gags, une blague. Et ce que je trouve très fascinant dans le film, c'est que la personne qui est harcelée est loin d'être sympathique. Donc on ne nous amène pas du tout dans l'idée de se dire, ah ben voilà, le pauvre, c'est juste se demander, justement, quand quelqu'un n'est pas forcément qui fait des choses, on peut se poser des questions d'un seul coup, jusqu'où peut-on aller en face. Et je trouve que d'un seul coup ça amène dans l'âme humaine, enfin ça fait une réflexion sur l'âme humaine que je trouve étonnante. Allez, trois petits films, mais très rapides, deux films d'étudiants, j'en parlerai pas trop. Passage de Simon Fea, je sais pas, qui est vraiment un beau film contemplatif de l'ENSAD. L'homme pressé, d'Emeline Perrin, Zelle Renoir, je sais pas exactement les deux, parce qu'en fait, elle s'appelle Emeline Perrin, c'est pas Zelle Renoir, donc je ne sais pas trop. En tout cas, vous le trouverez sous le nom d'Zelle Renoir, L'homme pressé. Et allez, l'un de mes coups de cœur de cette année, parce que c'est un film romantique comme on n'en a jamais vu, en tout cas comme on en voit peu, qui est absolument extraordinaire. Un film qui s'appelle A Love Letter to the One I Made Up, de Rachel Goodgartz, qui est sur Vimeo, et qui, je trouve, est en trois. C'est rare les films qui, je trouve, sont très courts comme ça et réussissent à capter tout un univers, aussi bien visuellement, mais aussi au niveau de la narration, qui prouve aussi la force d'un cinéma de réalisatrice israélienne, on pourrait dire de réalisatrice tout court, tellement aujourd'hui, on vient de citer Martha Payek, Virginie Keaton, mais là les réalisatrices, notamment les étudiantes, sont vraiment très très présentes. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais à ce que t'en cites une autre, c'était pour Bless You. Oui, tout à fait, mais j'ai tendance, j'ai pas suffisamment de temps, j'ai tendance à penser que Naldo Lovi, donc Bless You, est peut-être un peu moins fort qu'Omadko, Omother, que j'avais déjà cité l'année dernière. Donc voilà. Et Rachel Goodgartz, je trouve que ce film est absolument extraordinaire. Je trouve que Letter to the One I Made Up est absolument extraordinaire. Voilà, je remettrai tout ça sur le site, mais c'est des films à voir, donc vous en avez une bonne dizaine, un peu plus, à voir j'espère dans l'année aussi qui viennent. On va en reparler tout à l'heure aussi. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de ces films, d'ailleurs, de plus en plus arrivent sur internet, et on verra l'effet César sur les courts-métrages. On en reparlera en troisième partie avec vous, mais on a décidé de parler des longs-métrages. Je vais vous laisser surtout tous les deux en parler. On va commencer par le film qui sort en premier le 23 janvier, Another Day of Life, de Raoul Fuente et Damian Neno, et qui sort le 23 janvier par GBK. J'essaie de faire presque aussi bien que Francis, mais je n'y suis pas arrivé, mais vous voyez, j'essaye de faire tout le résumé. Je vais faire un résumé. Varsovie, 1975. Kapuscinski. J'aurais mieux fait laisser Francis faire le trait. Est un brillant journaliste, après ça devrait aller, chevronné, idéaliste. C'est un fervent défenseur des causes perdues des révolutions. À l'agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs de l'envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre civile sanglante à l'aube de son indépendance. Kapuscinski, j'y arrive, s'embarque alors dans un voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment d'impuissance. L'Angola le change à jamais. Parti journaliste de Pologne, il en reviendra écrivain. C'est le résumé officiel. Raoul de la Fuente est un réalisateur surtout documentaire. Il a fait pas mal de courts-métrages et un long-métrage en documentaire. Damien Neno est connu dans le monde de l'animation pour faire un court-métrage très, très violent, très... Path of Hate, je sais pas ce qu'on peut en penser. En tout cas, Platiche Film, avec ce que j'ai eu un petit peu de mal, mais voilà. Il sort... C'est un type dans un avion et qui se fait tirer dessus et qui tire dessus et qui est assez guerrier presque. Enfin, c'est assez étonnant parce qu'on a presque l'impression que c'est un film presque guerrier. C'était pas un film de fin d'études, justement? C'est peut-être un film de fin d'études. Non, il me semblait que c'était ça. Ouais. Je m'en rappelle. Alors, Another Day of Life, qui est qui sort le 23 janvier. Certains, peut-être que vous l'avez vu en séance de presse, excusez-moi, ou alors il est passé en ouverture du Forum des Images, du Carrefour de l'Animation du Forum des Images, qui commence sur Another Day of Life. Nicolas, t'as l'air... ouais. Pourquoi pas? Alors, non, en plus, on va commencer par... Je suis un peu plus positif que Francis sur ce film. Alors, je te rassure, parce que dans Chronique Rebelle, à 13h30, Christiane Passevant a parlé du film, et elle était positive. Donc, les auditeurs de Radio Libertaire, en fait, ont des tas de points de vue sur le film. Donc, tu vois... Et en fait, la première fois qu'il était diffusé, en fait, c'était à Cannes, au Festival de Cannes, en hors compétition. Cannes, je ne sais pas pourquoi, mais tous les documentaires hors compétition, et ils faisaient partie, justement, même si ce n'est pas réellement un documentaire, ils faisaient partie un petit peu de la sélection hors compétition cannoise. Et donc, oui, en fait, Another Day of Life, pour moi, justement, il y a... c'est vraiment l'adaptation d'un ouvrage. C'est pour ça que ce n'est pas exactement non plus documentaire. C'est vraiment l'adaptation de l'ouvrage de Richard Kapuscinski sur son travail de journaliste en Angola. Et il y a quand même, d'un point de vue du scénario, rien que ça, quelque chose qui est vraiment intéressant, je trouve, dans le sens où c'est vraiment pas simplement un film de guerre, mais c'est vraiment un film sur lui, sur sa vision des combats et sur sa vision du journalisme et sur l'éthique journalistique. Et c'est quelque chose qui est pas forcément interrogé sur jusqu'où est-ce que j'ai le droit d'aller, ou jusqu'où j'ai le droit d'intervenir moi en tant que journaliste, comment est-ce que je peux couvrir un événement de comme ça, et sur le rapport à la déontologie journalistique. Et rien que par rapport à ça, je trouve que ça reste quelque chose qui est important et quelque chose qui est toujours assez intéressant. C'est aussi dans un autre genre, c'était déjà un petit peu interrogé aussi, notamment par Anya Kaufmel dans Crise de Suisse, mais là, elle n'est pas journaliste, lui est journaliste et il a écrit un ouvrage complètement là-dessus. Donc toute la partie animée concerne justement ce qui se passe en 1975, donc pendant la guerre en Angola. Toute la partie documentaire, donc les images en prise de vue continue, c'est vraiment l'Angola aujourd'hui et la situation de l'Angola aujourd'hui, à part quelques photographies aussi. Donc déjà, très clairement, moi, ce que j'aime le moins dans le film, c'est justement toute cette partie documentaire. À part un ou deux plans qui sont assez impressionnants, comme le bateau à la fin, j'en dirai pas plus pour ceux qui veulent le voir, mais il y a quelques plans comme ça qui sont importants. Mais sinon, toute cette partie documentaire était quand même assez inutile, assez un peu encombrante et assez vulgaire aussi dans ce que ça montrait. Et en fait, on n'en voyait pas particulièrement l'intérêt. Voilà. Non, mais très clairement. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, surtout, c'est assez étonnant de la part de quelqu'un qui, en plus, est à l'origine du film, je pense, et Raoul de la Fuente, et qui est vraiment un habitué du documentaire. Par contre, toute la partie animée, moi, m'a quand même plutôt pas mal plu. C'est vrai que le style, c'est une animation 3D avec un rendu 2D ou plus ou moins 2D, mais en fait, qui est vraiment dans le style du réalisateur, puisque Pass of Fate était vraiment. Fait de la même manière. Si tu te souviens plus, Francis, ça n'excuse pas. Gros, non, mais si tu te souviens d'un film qui aurait été fait un peu de cette manière-là, c'est Pass of Hate. Mais en fait, toute la partie animée est assez intéressante aussi, je trouve, dans la reconstitution et dans le fait qu'on peut assister justement à des métamorphoses assez intéressantes et à une désenvolée un petit peu plus onirique. Un retour justement sur le journalisme qui se fait justement à travers cette animation. Après, évidemment, ça va vite, ça tire dans tous les sens. On a l'impression d'un côté assez hollywoodien et d'un film d'action, mais c'est pas forcément non plus toujours gênant. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, enfin, qui a pour moi une assez grande efficacité narrative dans toute la partie animée et qui fonctionne bien justement par rapport au récit. Voilà. Francis, je t'ai vu réagir quand on a parlé de Crise de Suisse et en effet, on sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de films qui prennent. Voilà, des conflits en tout cas assez récents, on le sait, notamment en documentaire ou en film d'animation. Hein. On aura Funan aussi bientôt, au mois de mars, voilà, etc. Donc, je t'ai vu tiquer. Crise de Suisse est largement meilleur pour toi que Nada de Flore. En tout cas, pour moi aussi. Plus intéressant, Nicolas. Il est plus intéressant. Après, moi, ce qui me fait tiquer de toute façon là, c'est qu'en ce moment on est. Alors, ça va peut-être être la nouvelle problématique du long métrage. Hein. On parle là que de long métrage en animation. C'est que pour sortir de ce carcan du cinéma familial, pour s'offrir un âge adulte, on en passe forcément par. On se confronte aux grands conflits du XXe siècle et donc à notre histoire récente. Pourquoi pas s'y confronter, mais que là, j'ai l'impression que ça devient devient un systématisme et que derrière ce systématisme, il y a peut-être l'envie de se dire, ah, on va refaire un valse avec Bachir et on va impressionner la terre entière. Sauf que valse avec Bachir, au moment où il a été fait, on n'avait pas comme ça une overdose de films dans le même esprit qui arrivait. Ça ne veut pas dire qu'il a tout inventé, ça veut dire qu'on n'avait pas comme ça un trop-plein. Là, on commence à avoir un trop-plein contre lequel, sur le fond, on ne peut jamais être contre, parce que voir les grands conflits, essayer d'en comprendre les raisons, de les expliquer, et voir aussi comment aujourd'hui, finalement, ceux qui les ont vécus, et là c'est plutôt généralement les parties documentaires, les commentent, c'est évidemment intéressant. Moi, après, la limite que j'ai, c'est que je me dis que ça fait effectivement des films dossiers de l'écran qui vont servir derrière à une base sur une discussion entre intellectuels, entre historiens, sur ces moments-là. Est-ce que, Francis, excuse-moi, parce que tu dis ça, et je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'aussi, peut-être, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des films qui finalement développent un cinéma qui est différent et qu'enfin, on a peut-être un genre dans l'animation, hein, dans le long métrage animé, qui va être le genre voilà, de film de guerre, enfin de film de documentaire, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ah, on va avoir, trouver un nom alors. On va trouver un nom à nous, voilà, ça va être notre première mission. Voilà, mais on va avoir Funan qui a un cinéma qui est différent, Another Flight qui a un cinéma différent, on va parler de Wardy, on va parler, ça y est, j'ai oublié le nom, mais sur la Palestine aussi qui est sorti, Samouni Road. Samouni Road, dans un autre film, etc. Oui, oui. Est-ce que finalement, peut-être que ce qui peut être intéressant en tout cas, c'est de voir, ah ben tiens, moi j'aime bien tel film parce que j'aime bien le style de Chris de Suisse de cinéma et que le style le Another of Life m'insupporte et que celui-là m'intéresse. Est-ce que ça va peut-être amener ça, en tout cas, à ce niveau-là? Ça peut. Nicolas, alors, justement, moi, aussi, pour rebondir un peu sur ce que Francis disait, alors je pense que ça peut, mais en même temps, je me demande si aussi le fait d'avoir des films comme ça qui arrivent et qui peuvent fonctionner, plus ou moins, évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle fonctionner par rapport à ces films-là, mais ça peut peut-être aussi amener peut-être certains studios à faire des films moins grand public, plutôt ado-adulte ou plus adulte, justement en animation, qui sortirait, ouais, peut-être, parce que, enfin, il y en a deux là qui pourraient, qui sont en train d'être faits et qui traitent pas justement de ce type de problème. Un qui apparemment serait quasiment terminé, qui devrait peut-être sortir l'année prochaine, c'est un film espagnol qui s'appelle, comment c'était, sur Luis Buñuel. Ouais, le labyrinthe. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est vraiment sur Buñuel qui filme la sourdesse. Donc en fait, on est vraiment dans plutôt un hommage à Luis Buñuel et donc c'est vraiment un film plutôt adulte quand même. Et le deuxième auquel je pense, qui j'espère se fera, mais normalement il est en bonne voie, c'est le film tiré de Murakami par Pierre Foldès, oui, fait par New. Voilà. L'argent, donc, ouais, donc normalement ça devrait aller. Et là pareil, c'est une adaptation littéraire, mais c'est pas un des grands problèmes de notre époque. Donc oui, je me dis, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un pont qui serait quand même Non, parce que ça, je pense que c'est à côté, parce que dans ce cas-là, on peut dire qu'on a aussi vu là, des films ado-adultes. La jeune fille sans main, on n'est pas sur un dossier de l'écran, les grandes problématiques du XXe siècle, la torture rouge non plus, c'est pas des grandes problématiques du XXe siècle, c'est la veine intimiste, qu'on peut aimer ou pas aimer, on peut trouver les films réussis pas réussis, et là on n'entre même pas là-dedans. Il y en a pas beaucoup pour l'instant quand même, reste peu, t'en cites deux, mais c'est vrai qu'on a du mal à aller plus loin finalement. Il y en a moins, et parce que peut-être que à cet endroit-là, où on pourrait citer évidemment Jean-François Laguillonni, à cet endroit-là, ça reste difficile de les faire, les films d'animation. Donc, soit on fait du film familial, et pareil, c'est pas un critère de qualité ou de défaut, soit on fait les grandes problématiques du XXe siècle, et ce qu'ils font avec Another Day of Life. Alors voilà, on va revenir sur ça. Bah, oui. Qu'est-ce que, Francis, toi, tu penses donc concrètement de Another Day of Life? Est-ce qu'il faut aller le voir ou pas? Bah, il faut toujours aller les voir, les films, et puis nos avis sont tellement divergent, ou en tout cas diverge, et que c'est énorme, diverge. Elle est trop bonne. C'est mon côté des proches qui ressort. Voilà. On a le droit de parler, on essaye. Je suis désolé. Un truc sérieux, mais en plus, voilà. C'est sérieux. Quoi. En plus, j'étais sérieux, je ne l'avais pas vu venir sur le coup. En plus. Évidemment, tu parlais de déontologie journalistique, donc qu'il interroge. Moi, je me demande s'il n'y a pas une déontologie cinématographique aussi à avoir de temps en temps, quoi. Et que c'est pas parce qu'on fait de l'animation qu'on se pose pas de questions sur sa déontologie en tant que cinéaste, sur son éthique de cinéaste. Ouais, toute la partie documentaire, mais je la fous à la poubelle, quoi. Parce que c'est abject, il se pose pas de questions, faire des reconstitutions avec les gamins contemporaines sur des scènes qu'on a vues en partie animée. On peut dire ce que c'est que ces scènes, parce que là, il y a des scènes avec des gens qui, moi j'avoue que je les comprends même pas, qui dansent, on a des gros plans sur des fesses en train de bouger, mais ça c'est le côté Abdelatif Kechiche, c'est pour ça. J'ai envie de dire, il y a cette scène de reconstitution. On a vu une scène de massacre, j'ai déjà un peu oublié. Et juste derrière, et en parallèle, on a des enfants, donc filmés, là, qui s'amusent finalement avec des insectes, un petit peu les bousculer, les torturer. C'est pas pour les insectes, dans l'absolu, je m'en fous. C'est juste. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de reconstituer une scène, et ça je trouve ça aberrant. Après, d'emmener les protagonistes sur les lieux où ont lieu les événements ne me gêne pas. C'est un point de vue, ça peut être intéressant. Sauf que ça aboutit à rien, ça aboutit au contraire à quelque chose qui met mal à l'aise. Et que dans la partie prise de vue réelle ou continue, finalement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est les images d'archives. Là, d'un seul coup, notamment sur cette jeune femme, rebelle, c'est passionnant. À mon avis, c'est peut-être même le personnage du film. C'était le personnage peut-être sur lequel le film devait aussi se concentrer et qui est pas complètement abordé finalement, en tout cas comme un personnage secondaire. Si on était dans une fiction, quoi, et c'est dommage parce que c'est le personnage qu'on a envie de suivre. Est-ce que, excuse-moi, mais pour aller là, parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais est-ce que finalement on n'est pas tellement dans cette libération de l'Angola? On a quelques héros quelque part comme ça, mais que finalement on est dans quelque chose d'un petit peu lourdingue sur ce personnage qui a rencontré des gens qu'on essaye de faire plus grand que nature, mais finalement qu'on n'arrive pas à créer plus grand que nature, et pourtant qui sont des très beaux personnages, hein, qu'on des personnages qui ont fait des choses incroyables, mais finalement ça fonctionne pas au niveau de la narration et de l'écriture. Disons que le film justement est quand même l'adaptation du livre, et c'est vrai qu'ils ont pas essayé de créer une fiction à partir de personnages qu'on voit dans le livre, mais vraiment d'adapter le livre. Donc en fait c'est le point de vue de Richard Kapuscinski sur la guerre qui est rentré ensuite en Pologne et qui n'a pas suivi le reste, parce qu'on le dit aussi, la guerre elle a continué pendant plus de 20 ans par la suite, donc les combats n'étaient pas finis, la libération n'a pas été totale, et il n'y a pas grand chose qui a changé au final à travers l'histoire. Ça c'est dit vaguement à la fin, mais c'est tout. Et donc pour moi c'est vraiment plus l'adaptation du livre, et ce personnage là dans le livre qui devait être quand même assez important évidemment apparaît, et c'est vraiment un personnage qui est vraiment magnifique, mais il aurait fallu créer une fiction à partir de ce personnage-là, reprendre ce personnage-là et faire un autre film complètement aussi. Alors, en même temps, cet argument que j'oppose au film là, sur ce personnage féminin, effectivement, t'as raison, si on adapte l'adaptation du bouquin qui se veut fidèle, il a qu'à rester comme ça. Sauf que, effectivement, quand je vois le film, d'un seul coup, c'est le côté qui me déçoit. Et après, par contre, oui, on n'est pas dans une fiction, sauf que toute la partie animation, elle prend tous les travers de la fiction, et notamment de la fiction hollywoodienne, qu'elle veut mettre en œuvre. La scène au début du film où ils sont dans le bar, les trois journalistes dans le bar à parler entre eux avec... Alors en plus, avant, ils ont fait de la motion capture, ils ont travaillé avec des comédiens polonais, les pauvres comédiens polonais, quoi. Il les a fait surjouer comme des débiles. Je te l'avais dit à la sortie du film. Moi, pendant que je voyais le film, j'avais l'impression de voir Blood Diamond d'Edward Zwick avec DiCaprio, qui donc là est en Afrique, autour d'une mine de diamants et tout ça, et qui est un film. Alors, effectivement, c'est pas forcément un grand cinéaste, mais c'est un cinéaste efficace. Quand il fait un truc, ça marche, quoi. Donc après, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, Edward Zwick, mais au moins ça marche. Et là, justement, je trouve que ça marche jamais. Ils font de la motion capture, et après, quand ils les animent, je les trouve super engoncés dans leurs vêtements, alors surjouant déjà, donc l'acting bonjour, et après, ils sont engoncés dans leurs vêtements. Et donc finalement, sans arrêt, les atours du cinéma de genre, du cinéma hollywoodien, ils paralysent le film au lieu de le faire avancer. Et le film se veut un documentaire animé, une réflexion, et finalement il prend des atours qui vont contredire sa réflexion, et il les prend pas jusqu'au bout. Alors non. Il y a un petit côté, je disais pour Amboutan, mais c'est vrai, il y a un petit côté, je trouve, X-Men sauve l'Angola, et il y a un côté un peu, un film, c'est très triste d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il y a des effets à la Matrix, enfin il y a plein de choses, et des effets, alors pourquoi pas, mais je trouve qu'ils ne servent pas grand chose finalement dans le film. C'est ça, c'est que finalement on se dit on a en effet tous ces gens qui ont participé, ils sont absolument mais bouleversants, parce qu'en effet ils ont participé à une libération d'un pays, ou en tout cas la complexité qu'on voit dans le film, et que je trouve qu'on en fait presque des personnages presque ou super-héros ou d'un seul coup on les glorifie, mais pas forcément d'une bonne manière pour moi, c'est-à-dire qu'on en fait des tonnes. Ouais. Après il y a peut-être aussi ce côté comment essayer de faire un film sur l'Angola en 1975, qui est un pays, je suis même pas sûr qu'une personne sur dix en France arrive à situer. Bien sûr, oui. Et en amenant du public pour le voir, donc en fait, on lui donne un côté peut-être un peu excessif, un peu super-héros, en se disant qu'au moins, ça va attirer quelques personnes dans les salles. Et c'est une, presque une introduction à l'histoire de l'Angola. C'est une minimum oui, donc c'est de réflexion, de l'écran, quoi. Clairement. Mais c'est pas non plus, évidemment, ça va jamais être le film de référence, clairement, sur le sujet. Il faut aller lire le livre de Richard Kapuscinski, de toute façon. Ça sert à rien, presque. À la limite, si le film peut amener les gens à lire le livre, ce serait parfait. Donc, Nicolas, on revient à ce que je vous demande à un moment donné. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est qu'en effet, on commence à inventer, et moi, j'ai un peu le même problème sur un film que je trouve évidemment passionnant sur plein de points, qui est Funan de Denis Dau, dont on parlera, j'espère, ici même, qui est un film très intéressant, enfin, je veux dire, d'une personne qui nous raconte l'histoire de sa famille, c'est absolument bouleversant. Et puis bon, c'est sur les Khmer, enfin, Dieu sait si on a besoin d'en parler. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un côté, alors, mais qui m'intéresse dans le film, qui est presque plus pour moi, pour un public plus enfant, avec un cinéma qui va plutôt vers lui, pour lui dire, regardez ce que l'être humain peut faire, et regardez, je dirais pas tout dans le film, mais regardez aussi ce qu'il peut faire aussi en sens inverse, enfin, etc. Et montrer la complexité de l'être humain, mais que finalement, moi, ça ne me touche pas. Pas plus que ça, encore une fois, pas les personnes qui évidemment sont bouleversantes dans le film, toujours, mais en tout cas le cinéma, et qui pose cette fameuse question qu'on a, évidemment, qui revient à plein de choses, et la fameuse phrase de Godard, hein, où, c'était Godard, hein, sur les camps de concentration, est-ce qu'on a le droit de faire, non, c'était lui, non, ah bah, c'était Rivette, le Rivette de Capot. Voilà, il y avait Godard aussi. Oui, mais c'est vrai qu'on se rappelle. Rivette contre Godard. Et, non, tellement de. Et finalement, de est-ce qu'on doit. Avec, pardon, j'en sais rien, en même temps, En même temps, tu vois, parler de rendre les protagonistes glorieux, j'ai même pas ce sentiment-là, parce que je trouve tellement que la partie documentaire, elle est maladroite, et en plus, elle est un petit peu désagréable, quoi. Les ramener dans les lieux, pourquoi pas, mais pour en faire ça, derrière des reconstitutions, je trouve. Et je pense à un film que j'ai vu, finalement, sur le conseil de Nicolas, et que là, j'ai pu voir grâce au César, qui est le procès de Nelson Mandela, contre Nelson Mandela et tous les autres, qui, lui, est considéré comme un film donc documentaire. Par exemple, à l'Académie des Césars, il n'est pas dans les longs métrages d'animation, mais comme il n'y a que des archives sonores, tout le procès est reconstitué en animation. Mais sur la partie documentaire, quand on est face au protagoniste, là, il y a une intelligence de Gilles Porte. C'est simple. Il ne fait pas des trucs compliqués. Allez, on va quoi. Dire que c'est un petit peu pour, mais pas tant que ça pour Nicolas. Très contre, visiblement. En tout cas, là, pour Francis. Et voilà, donc à vous de découvrir, évidemment, surtout si ici même, d'autres personnes ont dit que c'était intéressant. Another Day of Life. On va passer au film suivant qui, lui, sort. Oh, allez, un petit mot pour changer, parce qu'en effet, je voulais passer à l'autre film qui est le 27 février, mais c'est le 27, donc on va aller dans l'ordre de la sortie. On va faire bien les choses. En plus, Francis Morgan fait oui, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est le 27. C'est le 27. Oui, alors, on va passer, allez, à un petit mot de Francis sur un film qui sort la semaine prochaine. Il n'y a que lui qui l'a vu, donc il va nous en parler tout seul. Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde, ouais. De Thomas Szabo et Hélène Giraud. Donc la suite, évidemment, de Minuscule. Et je vais vous dire le résumé. Quand tombent les premières neiges dans la vallée, vous allez voir qu'on est dans un film un peu différent. Merci. C'est Francis qui fait les. On va voir comment il va continuer à faire les FX sonores. Il est urgent de préparer ses ressources, ses réserves pour l'hiver. Hélas, durant l'opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton, trois petits points, à destination des Caraïbes. Une seule solution, reformer l'équipe de choc. La coccinelle, la fourmi et l'araignée reprennent du service à l'autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveau danger. Les secours arrivent-ils à temps? Minuscule 2, Francis Cavel, c'est ton moment. Je vais essayer d'être quand même à peu près assez rapide. Je trouve que c'est plutôt dans le cadre du public familial qui est celui de ce film, c'est plutôt c'est une réussite. C'est un film que j'aime bien. J'aimais déjà plutôt bien le précédent, qui avait été une belle surprise. Des longs métrages qui savent qui ont su se déconnecter de ce qu'était la série Jeune Public, qui était diffusée sur France Télévisions. On était sur des petites pastilles comme ça, très très dynamiques et très drôles. Ça, il y avait pas de souci. Là, ce qu'ils ont mis en place dans le premier, ils continuent à le mettre en place, c'est-à-dire ce travail sur le rythme. Il n'y a pas de précipitation, comme ça va être souvent le cas dans des films d'aventure à destination d'un public plutôt familial. Ils gardent ce côté, on fait attention au rythme. Et le début du film, il est très très posé, en fait. On est vraiment, il y a la neige qui tombe dans la montagne, tout est sombre. C'est assez étonnant comment ça s'installe. Évidemment, après, il y a arrive une première péripétie qui est très, je dirais, balisée parce qu'on la connaît déjà entre la coccinelle et les fourmis rouges. Enfin, on sait qui sont les méchants, tout ça. Donc, on se retrouve dans ce qu'on connaît. Et puis voilà. Et puis le film part. Alors, ce qui est la nouveauté dans ce film-là, en dehors des Caraïbes, c'est qu'il y a une présence très importante de personnages humains. Voilà, ils sont confrontés à des humains, et c'est parce que voilà, ils vont dans une petite entreprise artisanale qui fait des confitures, qu'une des coccinelles se retrouve dans un carton, enfermée dans un carton. Et ce qui est assez étonnant du coup de cette présence humaine, c'est que à la fois il y a ça permet d'avoir l'ordre de valeur, de grandeur entre l'être humain et ces insectes, et en même temps, ce qui finit par devenir étonnant, c'est que l'image, elle est complètement, c'est de la prise de vue réelle, quoi. Et que finalement, l'animation dedans, mais elle est justement minuscule, et que l'animation finit par disparaître. Ce qui est un truc absolument étonnant dans un film d'animation, c'est qu'on a sur, comme ça, finalement, c'est 20 minutes, 25 minutes de début de film, une animation, mais on la voit plus, quoi. À la limite, on se dit, c'est un documentaire animalier, pourquoi pas, c'est Frédéric Rossif qui est La vie des animaux. C'est assez étonnant par rapport au public auquel ça s'adresse et là où se positionne le film. Alors après, dans sa deuxième partie, quand on est aux Caraïbes, en fait, on plonge dans une forêt sombre et là, on retrouve comme ça un univers plus d'animation avec de nouveaux insectes beaucoup plus impressionnants, inattendus, voilà. Et puis à la fin, on a quelque chose qui va être plus de l'ordre de la comédie, du gag, et qui fonctionne bien. Mais le film se permet un truc à la toute fin de l'aventure, donc tout s'arrange, enfin, dans ce genre de... Merci de nous rassurer. Tout s'arrange, je vous rassure. Toutes les coccinelles rentrent chez elles. Mais c'est pas grave de le dire parce que le déroulement est assez agréable. Et ce qui est étonnant, c'est que la fin du film, d'un seul coup, c'est une fin de film où il ne se passe plus rien du tout. C'est une fin d'une mélancolie incroyable. Les différents protagonistes rentrent chez eux. Le film se pose. Et alors, le truc étonnant dans ce genre de production pour ce genre de public, c'est d'un seul coup, y compris les productions françaises, c'est que d'un seul coup, le film se calme. On a, sur la durée du film, qui doit faire à peu près 1h30, si je dis pas de bêtises, il y a pratiquement 1h20 de partition orchestrale écrite par Mathieu Lambolet, orchestre symphonique, des choses très envolées, très, très lyriques, qui prennent vraiment beaucoup de place dans l'image et dans la narration. Et que d'un seul coup, le générique de fin démarre, on a le silence absolu. Alors là, moi, sur un film avisé quand même commercial, une production industrielle, je fais oser le silence comme ça sur un générique de fin. Je me suis posé la question, ça va durer combien de temps? Et puis d'un seul coup, il y a une scène que là, par contre, je ne révélerai pas, qui peut-être est ce qui va nous amener dans le 3, qui sera le dernier épisode de la trilogie, puisque après, normalement, ça s'arrête. Et puis derrière, la musique revient. Mais d'un seul coup, il y a cette volonté de jouer le silence et la mélancolie dans un film quand même familial, quoi. On n'a pas le temps, mais tu avais envoyé, en effet, j'écoutais un petit peu. C'est vrai que la musique est plutôt réussie, en tout cas, dans ce cas, elle a un côté très classique, hein, mais en tout cas, très... Ah oui, Mathieu Lambolet, il se fait son bien. John Williams, quoi. Donc Minuscule 2 qui sort le 30 janvier, je pense que vous devriez en entendre de toute façon parler, il y a déjà pas mal de pubs. Passons à un film, on va en parler parce que je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler dans la prochaine émission, puis je sais pas quand on va faire, mais j'espère que pour mars on arrivera, parce qu'à Funan il y a pas mal de choses qui vont sortir. Mais donc quand même, Wardy, qui, si je dis pas de bêtises, veut dire La Tour, de Mats Grorud, sorti le 27 février. Le résumé, Beyrouth, Liban aujourd'hui, Wardy, une jeune palestinienne. C'est ça de parler, c'est pour ça que c'est important de faire des coupures à peu de musique. Pardon, excusez-moi. Wardy, une jeune palestinienne de 11 ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l'un des premiers à s'y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardy craint qu'il ait perdu l'espoir d'y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir? C'est distribué par Jour de Fête. Mats Grorud est norvégien. C'est un premier long après deux courts. Il a travaillé lui-même dans les camps de réfugiés en tant que prof d'animation. sa mère ayant travaillé en tant qu'infirmière au Liban dans les années 80, il a voyagé très jeune, et à Gaza et à Jérusalem, c'est un univers qu'il connaît. Je pense que c'est quelqu'un, enfin en tout cas par rapport à son nouveau film, et justement parce qu'on parlait, serait sur les pirates donc dans certains pays africains, et qui se battent là notamment contre les grands groupes pétroliers. Donc voilà, donc il continuerait dans cette veine-là, et notamment toujours en Afrique. Wardi, je sais, parce que vous m'en avez parlé, qu'il y en a un qui est plutôt mitigé, et l'un qui est plutôt un peu plus bonne surprise. Peut-être qu'on commence par la bonne surprise. Donc c'est moi. C'est Francis. Oui, et puis c'est une bonne surprise qui naît en plus d'une erreur de ma part au point de départ. J'étais persuadé que j'allais être de nouveau face à un documentaire animé avec de la prise de vue réelle. J'avais pas compris le ce qu'était le film. Et en fait, c'est en découvrant le dossier de presse avant que la projection commence que d'un seul coup, je vois que Mats Grorund, en fait, est animateur. Et là, je me suis dit, ah bah alors non, je me suis trompé. Et comme je savais qu'effectivement intervenait sur le film en superviseur animation pour la 2D et Fangouet, et pour les marionnettes Pierre-Luc Grangeon, deux réalisateurs notamment, enfin Pierre-Luc Grangeon de volume très connu, 1, 2, 3 Léon, enfin voilà, qui a fait notamment ces films-là pour un plus grand public et d'autres films courts-métrages superbes. Et Fangouet, c'est une ancienne de La Poudrière qui a notamment fait Le Banquet de la Concubine à Folle Image. Voilà, donc j'avais mal perçu le film dans un premier temps. Donc voilà, film d'animation totalement animé. Alors, on peut reprocher peut-être au film d'avoir un systématisme, c'est-à-dire que... Mais là, on est sur un film qui va s'adresser plutôt à un jeune public par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Another Day of Life. Et donc, le systématisme que j'évoquais, c'est le fait que tous les flashbacks, on change de technique. En fait, la narration au jour d'aujourd'hui, c'est l'animation en marionnette, et tous les flashbacks donc sont en 2D. Voilà. Après, on aimera ou pas l'esthétique des flashbacks, ça c'est encore un autre sujet. Mais du coup, à travers ce film qui a un côté très didactique, mais qui n'évite rien, y compris par rapport à un jeune public, sur les morts, sur les massacres, sur les oppositions, je trouve que c'est un beau portrait, que en plus je trouve que donc Wardi, la petite fille qui nous conduit aux différents membres de sa famille, est un personnage auquel on s'attache très vite, et que donc peut-être effectivement des enfants plus jeunes auront aussi cet attachement à elle. On est dans un acting qui pour toi est plus justement plus léger justement que Another Day of Life par exemple, des choses comme ça. Oui, à la limite il n'aurait pas été fait en animation, on pouvait faire le même en prise de vue réelle avec de bons acteurs, une bonne direction. Je pense que le film tenait complètement la route, et là je trouve qu'elle est bien, elle est très bien. Elle a un côté un peu manga en même temps. Elle a des très grands yeux, donc évidemment, on plonge dans son regard et tout. Donc, mais elle, voilà, le personnage en tout cas tel qu'il a été conçu et après tel qu'il est joué est vachement bien. Moi, j'ai vu le film donc en projection de presse, c'était en version arabe sous-titrée, mais ils ont également fait donc une version française, puisqu'il y a quand même cette dimension jeune public, et il y a un très très beau casting sur la version française. Ils ont fait un effort sur la version française, donc j'espère que aussi cette version là va fonctionner, parce que je trouve que voilà, le film est une belle réussite. Le film pour moi, on pourra encore lui reprocher d'être dossier de l'écran, mais comme il est pas sur les mêmes types de public, je trouve que il a pas cette dimension là parce qu'il a une dimension d'attachement, et tout le périple à la fin de Wardi montant sur cette tour qui était le titre initial et rencontrant chacun des membres de sa famille, et ben c'est une très très belle idée de cinéma. Tu penses que c'est un film, avant évidemment de laisser la parole à Nicolas, mais tu penses que justement c'est un film humaniste sur ce sujet-là qui est tellement important, dont on a tellement parlé, il y a eu des documents, enfin il y a tellement de choses par rapport évidemment à ces réfugiés palestiniens. Est-ce que pour les jeunes enfants, enfin voilà, pour un public un peu plus comme tu dis, jeunesse, c'est important parce que d'un seul coup ça leur montre là aussi quelque chose qu'ils entendent parler, puis finalement d'un côté presque plus humain, comme Sam Uniroth tentait de le faire aussi, et d'un seul coup de s'intéresser à une famille. Alors là où Sam Uniroth est effectivement un film beaucoup plus dur, même si là rien n'est mis de côté, quoi. Bon, sauf que peut-être que les personnages, on les voit pas mourir à l'image, quoi. Et c'est hors champ, et puis on les retrouve après une fois qu'ils sont morts. Oui, moi j'ai sentiment, et en tout cas ce que porte le film. Alors après, on pourra reprocher un truc au film. Mats Grorund a un parti pris. Il affirme, on pourrait dire que le film il est hyper pro-palestinien, et que donc est-ce que c'est pas, du coup, est-ce qu'il n'y a pas le contrepoint, et que forcément c'est peut-être plus ambivalent. on peut le dire si on veut, sauf que c'est son point de vue, oui, un point de vue en plus qu'il a cet œil du fait d'avoir été présent dans les territoires occupés. Donc on peut pas juste lui dire que c'est un point de vue d'occidental qui de loin va considérer que donc je trouve que ça c'est bien. Et en même temps, ce que montre le film, et peut-être que c'est le côté jeune public aussi, c'est que finalement l'espoir de Wardy peut se transformer en d'autres choses malgré des circonstances, et que peut-être toujours on garde au fond de soi, quelles que soient les circonstances, y compris les plus dur, comme c'est le cas ici, on peut s'accrocher à quelque chose. Effectivement, si on fait une programmation Wardy Samouni Road côte à côte, ce qui pourrait être intéressant, on verra que c'est plus compliqué que ça, peut-être, de s'accrocher à l'espoir. Évidemment, ce qui est intéressant aussi avec ces trois films-là, enfin de laisser la parole à Nicolas, c'est qu'on a évidemment trois aussi budgets complètement différents. Je ne sais pas combien a coûté Another Day of Life, mais bon, à mon avis, tu dois être quand même sur ces 4-5 millions au moins, hein, si ce n'est pas un peu plus, mais en tout cas 4-5 millions. Je ne sais pas combien minuscule, mais à mon avis, c'est un bon budget correct. Hein, je ne sais pas si c'est 10 ou 12, mais en tout cas, ça doit être un bon budget correct. J'avoue, je ne sais pas. Et tout a été fait en France en plus. Oui. C'était la volonté du. Donc c'est très bien. Hein, c'est pas du tout, quand je parle de budget, évidemment, ce n'est pas du tout critiquer un budget par un bon autre. C'est juste pour dire aussi que, si je ne dis pas de bêtises, Wardy doit être à peine à 1,5 million, je crois, ou 2 millions. En tout cas, je crois que c'est un. Pierre-Luc Rangeon avait dit ça, et je crois que c'est vraiment un montant qui est très très bas. Et là, on se retrouve aussi avec des cinémas finalement intéressants, parce que avec des réflexions différentes. Évidemment, quand on a un budget d'un million et demi, un budget de 20 par exemple, on fait évidemment pas la même chose, mais c'est pas une raison, évidemment. Mais voilà, donc Nicolas, alors moi je suis d'accord avec Francis par rapport au côté toute la narration. Je trouve que le film est très bien écrit, bien raconté, qu'il évite aucun sujet, et que c'est pas justement parce qu'il est plutôt destiné à un public jeune qu'il va se dire ah mais il faut qu'on évite de parler de ça, il faut pas qu'on soit trop violent. Au contraire, il va vraiment montrer toutes les choses, et parfois par juste des petite référence à droite, à gauche, sans forcément trop en faire, mais ça va, il y a quand même une certaine subtilité, à part à la fin que j'ai trouvé un petit peu trop, voilà, mais sinon je trouve que le film est très bien raconté, que la narration est très bien, peut-être qu'il y a un côté un peu trop didactique, comme tu le disais, mais dans l'ensemble, franchement, ça passait très très bien. Moi, ce qui m'a le plus déplu dans le film, justement, c'est la direction artistique. Alors, bon, pour aller très vite, le film, je le trouve quand même assez moche. Et malheureusement, je trouve... Alors, les décors sont bien, ils sont faits de briques et de broc, un petit peu, ça passe bien, notamment avec l'idée du camp, justement, qui est fait, voilà. Ça passe très bien au niveau des décors, mais par rapport à tout le reste, j'ai eu l'impression qu'il a manqué aux animateurs, je sais pas, 2-3 mois de travail. Je pense que là, par contre... Par rapport à quoi? Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est le financement. C'est ça, en fait. C'est un petit peu. Mais par rapport au mouvement, par rapport à l'esthétique des marionnettes? Par rapport à tout, en fait, justement, où j'ai trouvé ça, et même par rapport, pas par rapport qu'aux marionnettes, mais par rapport aussi au dessin et à l'esthétique du dessin et au mouvement du dessin et à toutes ces choses-là, où en fait, peut-être aussi parce que j'avais vu, enfin, j'en attendais peut-être beaucoup parce que je connais et j'aime beaucoup le travail de Pierre-Luc Grandjean, le travail de Fang Wei, et donc au final, je m'attendais à vraiment retrouver quelque chose d'eux, et j'ai eu l'impression de retrouver du sous Pierre-Luc Grandjean, du sous Fang Wei quand je regardais un petit peu ça. Et je trouve que au niveau de la direction artistique, ça n'était pas été assez justement poussé. Alors il y a quelque chose d'assez efficace quand même, mais malgré tout, ce côté là et ça a peut-être joué, c'est-à-dire que je vais pas non plus la raconter, mais toute la partie finale du film, je l'ai trouvé très kitsch, alors qu'elle aurait peut-être pu être beaucoup plus belle et plus réussie s'il y avait eu quelque chose d'autre. C'est rare, hein. J'ai rarement, vraiment, très très rarement cette impression-là quand je vois un film. Mais là, par exemple, et je pense que par rapport au budget qu'il avait, il avait vraiment fait à son maximum et vraiment fait au mieux, et que vraiment, c'est un film qui mérite d'être montré, qui mérite d'être vu, qui méritait d'être fait. J'aurais vraiment aimé qu'il ait peut-être quelques centaines de milliers d'euros en plus, oui, on va dire, pour pouvoir être un petit peu plus fort encore. Et mais vraiment, comme c'est pas possible, excuse-moi Nicolas, mais comme c'est pas possible d'avoir ces centaines, Francis l'a très bien dit aujourd'hui, oui, la production d'un long métrage animé pour adultes, c'est une évidence, ado adulte ou adulte, c'est une évidence. Mais enfant, malgré tout, ça reste compliqué. Surtout, on se rappelle, hein, Phantom Boy, par exemple. Alors, ça n'a rien à voir, mais parce qu'il y avait un enfant malade, le film n'a pas marché parce que les gens voulaient pas. Là, évidemment, d'un seul coup, on va dire, c'est sur la Palestine, c'est sur quelque chose d'un seul coup. Et c'est pas que les gens veulent pas aller, c'est que les producteurs, comme des distributeurs, vont dire, pardon, un film pour les enfants sur la Palestine, non, attendez, on va pas donner quand même beaucoup d'argent par rapport à ça. Et est-ce que finalement, Ah mais je pense clairement que c'est important quand même qu'il soit fait, même si la direction artistique finalement... Je pense qu'il vaut mieux que le film soit fait de la manière dont il est fait, et en plus au niveau de la narration il est très très bien, et enfin il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Le côté didactique en plus, quand on ne connaît pas du tout les événements, quand on ne sait pas du tout ce que c'est, quand on présente ça pour un public plutôt jeune, je pense que tout est très bien fait et que ce n'est pas trop didactique du tout justement. Quand on connaît un petit peu plus ce sujet, ça peut peut-être devenir un peu trop didactique, mais voilà. Mais sinon au niveau de la narration il est très bien, et je pense que le film c'est très très bien qu'il soit fait et que c'était important qu'il soit fait. Le problème que j'ai peut-être avec ça, c'est peut-être que j'en attendais plus aussi. Ah voilà, je l'avais vu présenté notamment Cartoon Movie ou autre, on connaît aussi, surtout ici peut-être justement comme on disait, les deux superviseurs Animaster, moi je m'attendais à quelque chose d'un autre niveau. Après justement je pense pas que ce soit qu'il aurait fallu attendre ou qu'il aurait fallu se dire ah non on le fait pas, justement c'est bien qu'il existe, c'est très bien qu'il soit fait et je pense qu'il faut qu'il soit vu, mais il faut pas forcément en attendre trop. Voilà, non, Nicolas, si tu dis ça c'est parce que beaucoup de gens aussi malheureusement étaient sortis dans un style complètement différent, et sortis de Jasmine je me rappelle à Annecy en ayant aussi des bronzes en disant oh quel dommage, si l'animation aurait pu être mieux faite. Je sais que toi t'es... Mais non, mais c'est pour montrer l'autre côté. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des gens qui aussi d'un autre côté ont pu dire que Jasmine. Alors Jasmine, juste par rapport à Jasmine, une seconde, c'est que Jasmine, c'est aussi l'histoire d'un animateur qui se remet à animer après 25 ans sans animation. Et donc d'une certaine façon, ça c'est une des parties du film et il le dit très clairement. Et donc d'une certaine façon, Jasmine, on pouvait pas s'attendre à davantage que ça. Et je trouve que justement, le style par rapport au film est parfait. Sauf qu'il anime pareil il y a 25 ans. Oui, mais là, je pense pas qu'il ait perdu. Je pense que c'est sa manière d'animer. Je pense que peut-être que l'animation est en train de gagner aujourd'hui. Finalement, c'est cette possibilité de faire des films fauchés, ce qu'on s'était empêché pendant des années. Je dis pas à Quardy forcément, mais je trouve qu'il y a ça qui est intéressant, c'est de faire un film enfin fauché, où d'un seul coup on se dit ben l'anime est peut-être pas génial, peut-être qu'il y a direction artistique, mais heureusement quand même qu'on l'a fait et c'est quand même bien de l'avoir fait. Et depuis le temps qu'on se demande, qu'on se dit allez, faut qu'on fasse des longs métrages à 1 million, à 500 000, etc. Et que tant pis si, et que d'un seul coup, de faire avec les moyens qu'on a. Et je trouve que Jasmine fonctionnait beaucoup mieux, justement. Mais bon, sauf voilà, que c'est pas du tout le même cinéma. C'est pas le même cinéma. C'est pas le même cinéma. Voilà, là je pense que je dis ça, c'est parce que même pour dire que d'autres personnes avaient dit ça. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres choses. Même si moi aussi, je suis pas fan de la, comme tu disais forcément, de l'esthétique des marionnettes, par exemple, des choses comme ça, des choses qui me touchent moins dans le film. Mais je trouve, je sais pas, qu'il y a quelque chose justement par cette économie de moyens de se dire il faut le faire ce film. Ouais, moi j'ai pas de souci. Si j'ai un petit souci en direction artistique, ça serait plus sur les parties 2D. Oui. J'avoue. Et mais voilà quoi. Et après ben voilà, après de toute façon on voit hein, c'est Jour de Fête qu'il sort, Jour de Fête a sorti Samouni Road, donc ça s'inscrit aussi dans une démarche de Jour de Fête. Donc moi je trouve que c'est bien aussi comme ça, voilà, qu'un distributeur prolonge son travail aussi. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, et Gilles Cuvelier voudra pas, on passera qu'une partie de l'interview de Gilles Cuvelier. De toute façon, elle est enregistrée, vous l'aurez en complet, on l'aura en complet. Au pire, je passerai un petit bout. À un moment donné, on n'aura pas tout le questionnaire, je vous passerai toute l'interview, et pas forcément le questionnaire, mais voilà, toujours privilégions le direct. Et puis, encore une fois, vous pourrez l'écouter, bien évidemment, en complet, ensuite sur The Web Anime, sans aucun problème. Je mettrai les liens, bien sûr. Parce que ce qu'on va faire, c'est que je me dis, on parle un peu, on va faire une petite pause musicale, comme ça, voilà, on va reprendre un petit peu avant de parler de notre dernier débat qui est sur les Césars. On fera pas très long sur les Césars, mais voilà. Et on va passer, en fait, alors, on va faire une petite pirouette, et je vais te dire, je voulais passer l'un des morceaux voulus par, le morceau préféré, enfin, en tout cas, dans le questionnaire, je demande à Gilles Cuvelier, je demande la chanson, voilà, vous voulez, leur chanson. Et la chanson de Gilles Cuvelier, c'est L'Horizon de Dominique A. Superbe chanson, voilà, mais 7 minutes, un peu plus de 7 minutes. J'ai décidé de faire un petit tweet, je suis désolé, en fait, on va écouter Dominique A quand même. Mais la chanson, c'est la chanson qui avait été refusée par Bachung à l'époque, qui est devenue maintenant une espèce de tube, hein, qui est immortelle. Voilà, donc immortelle, chantée par Dominica avant que, quand Bachung a dit non, ça sera pas pour moi, j'en veux pas. Dominica l'avait mis sur un de ses albums et normalement ça devrait être marqué immortelle, Dominica, donc Nicolas, ça devrait être bon. C'est parti. Je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné? des dieux se cachaient sous nos faces avinées. Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient quand se mordant la bouche, le gouant revenait, et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas. Tu me donnais la main pour boire de ce sang. Heureusement que Nicolas nous prévient que l'antenne est arrivée, parce qu'évidemment on continue à parler, comme vous le savez, pendant les musiques, même si c'est dommage. Très belle, j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette version d'Immortel, qui est très proche, hein, évidemment, musicalement, qui est très intéressant de mélanger en tout cas les deux. Je voulais qu'on parle un tout petit peu donc des Césars. Dont on aura les résultats mercredi là. Nous avons, pour ceux qui votent jusqu'au 22, jusque mardi 22, ils font très vite, c'est très fort, hein, un truc électronique, etc. Ça va très rapidement pour ensuite pouvoir voter, même si je pense que Francis a déjà voté. J'ai fini mon vote dimanche dernier. Ça a été très compliqué. Le connaissant quand même, ça m'étonne aussi. C'est-à-dire que je peux vous dire, on est les deux à voter. Moi, j'ai pas encore voté. Ça ne surprendra personne quand vous nous connaissez. Je pense que je voterai mardi soir à 21h38. Alors qu'évidemment, Francis a déjà voté. Après, lui fait les choses largement mieux que moi, parce que je pense qu'il a vu une grande partie des films. J'ai vu tous les films d'anime. T'en avais 4 sur les longs métrages. Non, j'ai même pas vu tous les longs métrages d'anime encore. Je serais obligé de les voir. pour un autre prix, mais là je suis pas obligé pour l'instant pour les Césars, donc je voulais vous en parler pour deux choses. D'abord, peut-être on va parler sur une petite chose, mais que je trouve étonnant, qui est un phénomène qui se passe aussi aux États-Unis avec les Oscars. C'est maintenant la parution de plus en plus sur le net des courts-métrages. Alors il y en a encore qui sont pas, mais on a eu Full Time Job qui est paru, on a eu La Chute qui est paru, ce qui est rare, hein. Même il a fait paraître Gros Chagrin, c'est un sacre bleu qui met jamais ses films normalement sur Vimeo, là les amis. Vilaine Fille, bon, a été passé un peu avant, mais est sur Vimeo quand même, et je pense qu'il l'aurait mis sinon assez rapidement. C'est un phénomène nouveau, ça. Est-ce que c'est plutôt bien pour les spectateurs, parce que comme ça on peut voir les films, que ce que vous en pensez, rien de... C'est plutôt une bonne chose pour vous, Nicolas ? Vous qui avez l'habitude plus de les voir évidemment en festival. Oui, je pense que c'est bien parce que ben, finalement ça favorise la diffusion. Après, combien de temps est-ce que ça reste en ligne ? Je pense que c'est pendant une semaine ou deux, quelque chose comme ça, non ? Je pense que certains vont attendre les résultats et puis on verra bien. Et puis je pense que là, je sais par exemple Full Time Job, sans le voir, enfin voilà, a eu le Vimeo Staff Pick, donc il y a quelque chose et il a eu pas mal de vues. Je pense que ça m'étonnera, enfin d'après ce que je crois savoir, hein, en lieu bien informé, comme on dit dans ces cas-là, je pense que le film devrait rester sur Internet, hein, puisque... Parce que voilà. J'allais dire, c'est bien, mais en fait, comme c'est des, malheureusement, des courts-métrages et que c'est peu diffusé et que les gens ne connaissent pas forcément, je pense qu'ils ont besoin de temps aussi pour pouvoir trouver un public peut-être un peu plus large, sauf quand ils ont le Vimeo Staff Pick qui les aide quand même pas mal. Mais donc, en gros, s'ils les laissent une semaine ou deux, c'est bien, on peut les revoir, c'est pas mal. Mais par contre, pour leur permettre d'avoir un public, je pense qu'il faudrait les laisser peut-être assez longtemps. Francis, et ça juste une petite question, ça défavorise évidemment les films qui, eux, sont en début de carrière, même si La Chute, c'est assez osé parce qu'il a commencé à Zagreb, Annecy, l'année dernière, c'est assez osé de le mettre maintenant. C'est vrai que Full Time Job était passé il y a maintenant un peu plus longtemps, il a un an et demi de parcours, mais il y a pas mal de films, on pourrait en citer pas mal dans la liste, qui finalement sont... pas récent, mais on a à peine une année, donc c'est toujours plus compliqué de les mettre. Vilaine Fille aussi est en fin de carrière et c'est plus difficile de mettre. Pareil pour Isu 3. Alors Féroce, lui, il est en ligne depuis très longtemps, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un film qui avait très particulier, donc qui avait pas très bien marché en festival. Mmh. Et je crois qu'Isu 3 avait un peu poussé folle image, hein, pour le mettre en ligne. Francis, je trouve que sur le principe, c'est bien, même si la fenêtre de tir est restreinte parce que c'est plus une fenêtre de tir Césarme, même si je crois qu'effectivement, Gilles Cuvelier a précisé que le Full Time Job resterait ensuite. Ça y est, il l'a dit. Il m'a semblé voir ça sur Facebook via un post du studio Train Train. Donc c'est bien. Non, la seule chose à la limite que je questionnerais, je trouve ça très très bien qu'il soit accessible, mais c'est comment j'y accède si je suis pas dans le milieu de l'anime. Comment je sais que je peux voir ces films-là qui sont intéressants, importants, que je peux aimer ou pas aimer, mais comment j'y accède? C'est juste ça. Là, nous, on le sait parce qu'on connaît les gens, parce que voilà, sur Facebook, c'est 10, dans les réseaux sociaux. Mais si sinon, comment je sais? Est-ce que ça, c'est pas un grand travail? Moi, je sais que vous savez, je le dis souvent à ce micro, je suis prof et j'ai souvent aux élèves, on doit être les premiers ambassadeurs aussi, les ambassadrices de l'animation. Et c'est peut-être à nous, alors justement, sur les fameux réseaux sociaux ou autres, de finalement toujours pousser ce que fait le travail. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle ne pouvait pas venir, mais Marie-Pauline Mollaret, par exemple, d'être dans un média, mais ce que tu peux faire aussi avec les fiches du CMA, c'est-à-dire dans des médias qui ne sont pas uniquement animes, mais qui sont aussi généralistes au niveau cinéma, finalement, parler de ces films-là, dire qu'ils sont en ligne. Je suis un peu déçu, voilà, que. Enfin, pas déçu, parce qu'ils font déjà du gros boulot, hein, Christophe Chollet fait du gros boulot, mais par exemple, bref, enfin, etc. C'est vrai, pour être d'un seul coup. Oui, relégué. Alors peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Puis, bref, effectivement, que ce soit avec Christophe Chauvil maintenant, il est très réactif dès qu'il y a quelque chose autour d'un film. Paf, il y a une réaction, il y a quelque chose qui est dit. Enfin, festival, pas foncé. Christophe, si tu nous écoutes. Après, bien sûr, t'as raison sur ce plan-là, mais c'est pouvoir le faire de toutes les manières qu'on peut dans tous les lieux qui vont pas être réservés à l'anime. Effectivement, je le fais un petit peu à la Cinémathèque avec une programmation une fois par an. D'un seul coup, quand on fait le post maintenant depuis 3 éditions sur Facebook pour annoncer l'événement, le truc qui est absolument hallucinant au bout d'un moment, c'est un événement public, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui réagissent, qui n'ont rien à voir, qui sont pas mes amis Facebook, qui n'ont rien à voir avec l'animation, qui sont du public. Là, tu te dis bon bah voilà, c'est eux qu'il faut amener vers ces films-là. Non, par rapport aux spectateurs, par rapport à ceux qui nous écoutaient, vraiment. Alors partagez, n'hésitez pas à partager les films, n'hésitez pas à dire si vous avez des coups de cœur et ce genre de choses. Et si vous voulez même penser en effet qu'un film doit être montré, alors évidemment Full Time Job et notamment La Chute mérite quand même le grand écran, parce que c'est vrai que c'est des films qui méritent cet écran de l'écran quand même pour voir la beauté aussi, la beauté. Hein, c'est des films sont forts, les deux films sont très forts dans des styles différents, mais aussi la beauté plastique, esthétique du film et de mise en scène, hein, les deux je trouve. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est peut-être à nous aussi, hein, c'est des choses à faire, de reprendre ces films et de les partager. Est-ce que aujourd'hui un César du long métrage d'animation est encore viable quand depuis 2 ans, et je poserai aussi la question au responsable du prix André Martin, puisqu'il il a le même problème évidemment, Francis. Est-ce que c'est viable, et est-ce qu'on ne doit pas faire, alors pour les Césars, je ne sais pas pour le prix André Martin, tu répondras ça, mais un peu comme font les Oscars, c'est-à-dire d'ouvrir à une minorité, à des films minoritaires en production française, etc., pour éviter d'avoir, ça fait quand même 2 ans où on est, j'aime pas le mot, pris en otage, parce que c'est tellement fort que c'est oui. un peu, faut pas exagérer non plus. Et puis les films sont pas inintéressants, bien évidemment. Le Grand Méchant Renard était un bon film, enfin un film que j'aime beaucoup l'année dernière, même si j'ai considéré, je l'ai dit ici, que c'était pas forcément un long métrage, comme leurs auteurs disaient. Et cette année, on se retrouve avec Dilili, Gros-Blanc, Astérix et Pachamama. Oui, alors là, je dirais que par rapport au César, que peut-être cette année, c'est absolument exceptionnel, faramineux, quoi, parce que on se retrouve dans le cadre, on est dans le creux, c'est-à-dire que les films, ils sont en train de se faire, et certains sont en train d'être finis, mais ce sera pour l'année prochaine, et que là, on est sur une année où, après comme ça, 2-3 années plutôt belles en nombre de films, hein, je parle même pas de leur qualité, on a d'un seul coup César, long métrage d'animation, 4 films, sachant que il y en a 4 au premier tour, et que donc au deuxième tour, donc les nominations qui seront annoncées mercredi matin, il va y avoir 3 films qui vont passer. Donc le taux de réussite, là, c'est 75%. Quoi. C'est sûrement la catégorie où il vaut mieux être. Ah, là, celui qui passe pas, par contre, va l'avoir mauvaise. Lequel des 4 va pas passer, je me demande, parce que là, moi, je suis hyper réservé sur les 4 de manière très différente. Moi, je me dis, enfin, sauf cas exceptionnel, celui qui a le César, c'est pas pour le film, c'est Michel Oslo. Il l'a pas eu, Dilili. Pas forcément. La plupart des votants, ne connaissant pas forcément l'animation, mais connaissant bien Alexandre Astier, pourraient aussi pencher pour Astérix. Alors, il y a moins de trucs en face. On est quand même dans les Césars. Il y a quand même un petit côté intello. Il y a quand même un petit côté Le Petit Prince que je sais que tu détestes. Oui, mais même si j'en ai pas vu, c'est Le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry. Et s'ils n'ont pas vu le film, ils vont dire oh, c'est quand même Le Petit Prince. On connaît pas les autres, mais c'est Le Petit Prince. Là, c'est Astérix. Non, Le Petit Prince, c'est pas pour enfants. Enfin, moi, j'ai pas lu Le Petit Prince, je sais pas, mais ça fait partie de ces grands romans français qu'on adore, etc., etc. Et oui, mais alors qu'Astérix, on peut aimer, mais. Oui, mais en fait, en même temps, depuis quelques temps, on a l'impression que les Césars veulent aussi se jouer un petit peu plus grand public. Alors pourquoi pas, à travers l'animation, le faire. C'est-à-dire, on fait le César de la meilleure comédie française qui a remporté quasiment le plus de, enfin, qui a eu le plus de public. De public. C'est le César du public. Ouais, le César du box office. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est pas la question. C'est est-ce que les votants vont vouloir récompenser plutôt Michel Oslo ou Alexandre Astier? J'aurais plutôt tendance à penser que ce serait Alexandre Astier. Je trouve que quand tu montres dans Astérix et le soir, il est derrière, mais c'est pas non plus. Et je pense que les gens par rapport à l'animation. Enfin, alors, ça va être. On va revenir après sur notre débat qui est vraiment. Mais c'est vrai que moi, je le vois bien, mais c'est intéressant de faire des pronostics à la con. Les Césars, c'est génial pour ça. Alors, autant je serais incapable de faire un pronostic si, sur le court-métrage, je pense qu'en effet, je pense que si Vilaine Fille passe, le fait qu'il ait eu le prix à Clermont, en plus ils sont très malins, les Valsa, parce qu'on a reçu un petit mail pour les votants disant le prix de Clermont-Ferrand, le grand prix de Clermont-Ferrand au César. Donc évidemment, là, les gens voyant ça, ah, il a eu le grand prix à Clermont, ça doit être bien, on va lui donner. Donc, moi, j'aurais tendance à mettre un sou, comme on dit, sur pas pour le film, même si le film est très bien, Vilaine Fille, mais il y a d'autres films que je préfère dans la sélection, ou Raymonde, s'ils font un effort parce qu'il y a la voix de Yolande Moreau et qu'ils peuvent se dire oh, il y a Yolande Moreau, elle est trop bien, Yolande Moreau, et tout le monde Violent Moreau, donc voilà. Et ça reste un film extrêmement justement accessible, dans le sens où il est très narratif et la narration est très intéressante. Les gens le regardent. Ouais, mais t'as encore plus narratif que ça. Hein, si le Mans 1955 là. Ah bah ouais, ouais. Le Mans 1955. Que moi, en plus, c'est pas un film que j'aime pas. Hein. Non. C'est une jolie découverte par rapport à un cinéma plus répertorié. Non, Non, non, mais à l'intérieur de ce qu'il fait, le film, il est juste, quoi. Et que tu le regardes avec plaisir, quoi. Je vais vous faire avancer un petit peu. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres films, en tout cas, voilà. Ça, c'était pour les petits pronostics. Est-ce qu'on n'a pas vraiment un problème de crédibilité, nous, dans le monde de l'anime, où l'année prochaine, on va avoir le Matotti, le Jérémy Clapin, le ceci, le cela. Est-ce que ce César, et je veux juste que vous me répondiez, est-ce que ce n'est pas un César un peu faible à cause de ces années qui sont un peu plus basses, etc. Et qu'on risque d'avoir ça assez régulièrement, malheureusement. Il reste faible, même si on fait attention à la manière dont il est organisé pendant la cérémonie. Il reste faible parce que c'est seul César à deux têtes et que les trois, souvent, on comprend pas trop comment ça fonctionne. Donc, et même si l'Académie fait attention, maintenant ils sont annoncés un petit peu, pas tous les deux tout de suite tout le temps, et que celui qui a le cours, il parle d'abord et qu'après on cite le nom. Alors qu'avant, c'était l'auberge espagnole, oui. Tout le monde arrivait en même temps. Non, mais après, forcément, on a ce problème, et le problème, il a été plus conséquent cette année parce qu'il n'y a que 4 films, que le cinquième qui n'y est pas, qui est Moutafoukaz, n'y est pas parce que les producteurs n'ont pas demandé le visa d'exploitation. C'est pour ça que dans le règlement des Césars, il faut que les films ils aient un visa d'exploitation pour concourir. Si t'as pas de visa, même si t'as fait une sortie sale, tu ne concours pas au César. J'ai demandé. Sauf que le visa d'exploitation est pas excessivement cher, si je me souviens bien. Ils ont bien, pas non, voulu, ça les intéressait pas, je pense, chez Ankama. J'ai demandé, parce que j'étais tellement surpris, j'ai tout de suite fait un mail au César pour savoir pourquoi il y est pas. Parce que ça en faisait au moins un cinquième. Et qu'en plus, moi, c'est le. Je vais être franc. C'est le film qui m'intéressait dans ce cas-là. C'est pas du tout ma cam, mais j'avais eu une excellente surprise. J'avais l'impression d'être sous acide pendant tout le film et d'être un geek royal. Mais d'un seul coup, j'avais une vraie bonne surprise par rapport à ce que ça proposait. Donc, il y a ça. Après, effectivement, on a cette année en plus 2 films qui font appel à l'animation de manière conséquente, mais où là, il y a les quotas d'animation, et donc au César, ils ne doivent pas avoir le pourcentage d'anime dedans. C'est 2 documentaires, hein. C'est Le procès contre Nelson Mandela et tous les autres, et c'est Samouni Rhodes, qui en plus, même Samouni Rhodes est dans les films français. Donc il va concourir pour le documentaire. Donc c'est assez étonnant, parce que moi, au point de départ, je pensais qu'en plus, en termes de financement, ce serait un film étranger. Donc il concourrait pour le César du meilleur film étranger, pas pour le César du documentaire. Donc on va voir si en documentaire il passe ou pas, au moins déjà j'espère pour lui, au second tour. Mais du coup ces deux films-là qui pourraient peut-être être éligibles, ils sont sortis. Alors voilà, alors effectivement par la question que tu poses par rapport au prix André Martin, bah, je pense que c'est peut-être aussi une discussion qu'on va avoir avec Marcel Jean et puis Sabine Zipsi de l'AFCA pour dire est-ce qu'on reste sur ce critère les mêmes films qu'au César, ou est-ce que nous on élargit le critère parce que nous il n'y a pas marqué qu'il faut un visa d'exploitation. Est-ce qu'on peut faire rentrer des films qui font appel de manière conséquente à l'animation, et que donc d'un seul coup, ce prix André Martin serait remis à la fois au réalisateur du documentaire plus l'animateur concerné, par exemple Simone Massi sur Samouni Rhodes. Ce que tu avais déjà essayé de faire pour Psychonautas. Psychonautas, oui. Et malheureusement là il y avait vraiment rien. Enfin il y avait. Il n'y a pas de financement suffisant. Était venu vraiment à la fin. Donc, ouais, donc là ça pouvait pas marcher. Là je me dis que les deux films sont français. Sur les deux. Mais ça, c'est une discussion. Là, je ne suis pas en train d'annoncer que ça va être ça. Non, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on. C'est une réflexion, c'est tout. Quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Nicolas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, je voulais un petit peu en parler parce que. Cette problématique de et j'ai rien contre Astérix, j'ai rien contre Dilili, même je dois vous avouer à ce micro, je dois faire. J'ai vu Dilili très tard, je l'ai vu avec le coffret César. Beaucoup de gens l'ont pas aimé, autrement, et j'ai presque été moins déçu. Enfin, j'ai presque été parce que finalement tout le monde l'a tellement descendu le film, en tout cas dans le petit monde de l'animation, que j'avoue que j'ai été. Voilà, parce que je ne l'ai pas vu en ouverture d'Annecy, je l'ai pas vu tout ça, et que finalement quand on le regarde chez soi, en disant oh là là, ça va être terrible, finalement le film est. Dit des choses intéressantes, en tout cas il y a des choses que je trouve pas inintéressantes. Il appuie, il est pas dans la légèreté, c'est pas Kirikou qui est beaucoup plus léger, mais que finalement voilà, il c'est pas pas non plus une voilà, c'est un film qui se tient, je trouve, malgré tout. Mais c'est vrai que c'est voilà, ça, pour ça que je dis Dilili même à la rigueur, parce que Astérix en César, c'est un peu comme Le Petit Prince. J'ai rien contre Astérix et j'ai pas vu le film, et je suppose qu'il est très efficace, et puis voilà, hein, je sais pas. Oui, non, dit oui, Francis, rapidement, oui, sur l'efficacité, il a des grandes faiblesses, mais bon. Ce serait dommage pour nous aussi, c'est-à-dire pour la vision qu'on a du monde de l'animation, bah oui, c'est Astérix, forcément. Et sur son désert, en disant, faut atteindre un autre public. Bah alors, c'est le seul film qui n'était pas dans le coffret, oui. Mais c'est peut-être le film qui a été le plus vu des 4. Mais voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On va écouter, j'ai envoyé un petit message à Gilles Cuvier, je suis désolé. On va écouter, normalement elle fait 69 minutes, on va écouter 35 minutes, on va écouter la moitié. J'en passerai 35, promis, une prochaine fois, puis je mettrai tout le reste. On écoute donc l'interview de Gilles Cuvier, faite il y a 2-3 jours à Trintrin, à Lille, tout le temps. À Trintrin. Absolument. Ouais, ça fait un bout de temps que tu n'étais pas venu à Bulle de Rêve. On est donc. Je suis content. D'ailleurs, j'y suis pas. Oui, comme à chaque fois, on est obligé de venir. Bulle de Rêve vient, c'est le changement de. Vous avez plus de locaux. Vous avez plus de budget maintenant. Ça commence à devenir un voyageur. Ouais, ouais, ouais. On est assez payé cher. Dis-moi, 3 films au compteur. Est-ce que, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a ces 3 films différents. Est-ce que c'est une envie ou c'est quelque chose, c'est juste dans une évolution ou un, ouais, quelque chose qui avance comme ça, puis finalement il y a un changement à la fois de graphisme et à la fois de style. Oui, 3 films en 15 ans, quoi, donc c'est pas non plus énorme. Donc, oui, ils évoluent, je fais pas des films souvent, donc il y a forcément des changements entre chacun d'entre eux, donc tu dis ça, et à la fois il y a des gens qui, une fois qu'ils ont trouvé leur style, quelque part restent dans ce style-là, ils sont contents et travaillent uniquement dans ce style-là. Oui, moi j'aime bien changer, c'est vrai que j'aime bien changer, enfin en tout cas je crois que je change. Les gens me disent maintenant on reconnaît bien, enfin certaines personnes me disent qu'ils reconnaissent bien les liens même graphiques entre les films, alors que pour moi je fais des choses très différentes à chaque fois, donc je pense qu'inconsciemment ou involontairement, en tout cas il y a des scories qui restent à chaque film, forcément. Après, je pense qu'il y a quand même une constante, c'est quand même un côté un peu fantastique dans chacun des films. Et au niveau, alors, on va venir évidemment au niveau thématique, surtout par rapport à là, il est évidemment important, mais tu dessines pas énormément. On se connaît depuis un bout de temps et je te vois assez peu dessiner par rapport à des gens qui sont tout le temps avec leur carnet de croquis. On a l'impression qu'ils s'arrêtent jamais. Vous avez reçu Jonathan Hudson, il a un carnet, il dessine pas mal. Toi, tu dessines très rarement, on va dire. Tu dessines rarement. Comment s'effectuent alors justement ces changements de style, même s'ils ne sont pas énormes, mais qui quand même sont de film en film? Alors, je dessine beaucoup, en fait, mais pendant mon temps de travail. Et je pense que j'ai plus l'envie de dessiner à côté du travail, comme je passe ma journée en général à dessiner la plupart du temps, vu que je fais de l'animation 2D à 80% du temps, donc ou des décors ou du storyboard, donc je dessine énormément en fait, mais j'aime, enfin plus en tout cas dans ce contexte de dessin, juste pour le dessin. C'est toujours un dessin dédié à la fabrication d'un film, ce qui est très différent. C'est pas du dessin artistique, c'est pas du... Mais je suis jaloux, effectivement, des gens qui arrivent à avoir un carnet et continuer à dessiner, qui dessinent le soir, qui dessinent dans les transports, enfin les choses qu'on doit faire normalement quand on dessine et que moi j'arrive pas à faire. T'arrives pas, ou c'est juste quelque chose, comme tu dis, qui t'intéresse plus, ou que t'as beaucoup fait peut-être en étant au Gobelin, je sais pas, enfin les ça, t'es au Gobelin. Est-ce qu'à cette époque-là déjà tu dessinais peu ou... Je le faisais... Je le faisais parce qu'on me demandait de le faire. Mais sinon, non, j'allais jamais. Sur mon temps libre, je suis jamais allé dessiner. Dans les transports. Enfin. Non, j'arrive pas. Alors, le métro, ça bouge, j'arrive pas à bien dessiner. Le train, je dors dans le train en général, ou j'écoute de la musique, ou je lis. Je sais pas. Je dessinais en cours, par contre, voilà. C'est peut-être les moments où il faut pas dessiner, où je vais dessiner. Voilà. Le papier te manque pas, parce que depuis quelques années, c'est plutôt maintenant tout ce qui est ordinateur, synthétique, enfin, etc. Le papier me manque pour le dessin, mais plus pour le dessin fixe. Voilà, pour l'animation, c'est vrai que maintenant les logiciels. Enfin, j'ai vraiment trouvé un bon compromis en fait entre le plaisir du dessin et le résultat. Il n'y a pas de changement pour les gens qui, comme moi, par exemple, dessinent pas. On a l'impression que ça peut pas être le même trait, qu'il y a forcément des choses différentes. Alors, y a une différence. On n'a pas le toucher du papier. Mais de toute façon... Moi, je de moins en moins cette différence. J'aurais du mal à retourner sur papier, vraiment. Ou alors pour le clean, pour faire a rendu plus artistique et moins dessin animé peut-être, là où je pense que ce serait sans doute mieux. Mais maintenant, ça, quand on bosse sur un projet, on essaye de voir quel est le meilleur rapport rendu et temps passé, quoi. Donc si le numérique permet d'aller plus vite avec un rendu qui nous plaît, pas forcément pour imiter le traditionnel, mais disons un rendu qui nous plaît, moi j'essaie pas d'imiter le traditionnel, j'essaie de faire une image qui me plaît avant tout. Donc après l'outil, peu importe, je vais prendre l'outil qui sera le plus pratique pour moi. Est-ce que tu penses que ça t'a donné une liberté aussi par rapport à la création, c'est-à-dire d'un seul coup de se dire je peux aller plus vite ou pas, ce que tu disais, ce genre de choses? Oui, si j'avais fait mon dernier film en papier, au crayon, au fusain, ou disons avec des outils traditionnels, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Donc je regrette absolument pas le choix du numérique, en tout cas pour ce projet-là. Pour les projets, il y a un nouveau projet qui est en place, est-ce qu'il y a quand même à la base, parce que et celui-là et les autres projets, il y a quand même des croquis dans les carnets, il y a quand même, pas énormément, mais dans celui-ci pour Full Time Job, ça partait pas d'un dessin sur du papier en tout cas. Si, c'était un dessin sur une feuille de papier ordinaire, quoi, que je faisais en attendant, sans doute en travaillant sur mon précédent film, sur l'œuf patate. Et puis voilà, vous dites, tiens, ouais, il est marrant ce dessin, il n'est pas forcément beau, mais il raconte quelque chose. Enfin, moi, il me racontait quelque chose, je ne savais pas encore quoi. Mais oui, c'est parti d'un dessin. Oui. Et aujourd'hui, puisque maintenant le numérique a pris beaucoup de place, est-ce que tu dessines encore un petit peu quand tu dessines sur d'autres films? Est-ce que là, par exemple, pour le nouveau film que tu es en train de préparer, est-ce que c'est quelque chose qui était sur papier ou non? C'est de suite le numérique. C'est vraiment encore en gestation. Donc le scénar est fait. D'habitude, je travaille plutôt l'univers graphique avant. Et là, c'est le scénar. C'est le scénar que j'ai écrit en premier, et ensuite j'ai fait des dessins. Et encore, ce sont vraiment des premiers dessins. Ça me sert juste à donner une certaine direction. Ensuite, j'ai encore énormément de travail au niveau de l'aspect esthétique de ce peut-être futur film. Quoi. Est-ce que, on a beaucoup parlé sur Full Time Job, c'est un film sur la... Alors, on peut le voir sur plein de choses, on peut parler de pénibilité du travail, on peut parler du monde actuel, enfin, ça parle de tout ça, ça parle aussi de plein d'autres choses, on y reviendra. C'était important pour toi de parler d'un thème actuel, d'un thème politique, de faire un film. Chahut et Love Patate n'étaient pas vraiment des films politiques et sociaux, on peut trouver un peu dans Chahut à la rigueur, mais c'est vrai que c'était pas forcément ça. Et ça, c'était important pour ce nouveau film. Ouais, c'est venu en fait, c'est vraiment venu au moment où j'ai dû écrire le scénario en fait, et je me suis dit non, c'est assez vain. Au départ, il n'y avait pas du tout cette histoire, enfin l'évocation du monde du travail et la pénibilité et cet aspect enchaîné au travail qu'ont beaucoup de personnes. C'était un film beaucoup plus anecdotique en fait, mais plus simple aussi, et qui était une variation de la chasse du comte Zaroff. Donc comme beaucoup de films ont fait d'ailleurs aussi, hein. Mais ça ne me contentait pas en fait, j'avais pas la chose en plus qui me permettait de vraiment de me dire j'ai envie de faire ce film et de bosser pendant 8 ou 10 mois dessus, quoi. Et puis à ce moment-là, j'étais vraiment je me sentais assez concerné par tous ces problèmes. Et je me dis, je pense que avant, je n'osais pas forcément parler. L'animation, les films, j'étais plus dans l'ordre du poétique ou du film de genre, et je voulais pas trop y mêler de choses actuelles, en tout cas je voulais rester un peu intemporel, un peu... C'est-à-dire que toi tu trouves que dans ta vie quotidienne tu t'es engagé avec ce que veut dire le mot engagement, hein, du plus large on va dire au plus léger on va dire, mais que dans ton art, dans ta création en tout cas, tu t'interdisais mais quasiment de... Oui, je mettais ça à part en fait, je pense que j'avais pas tort, puisque je suis heureux d'avoir fait mes deux précédents films comme ça, et je reviendrai peut-être à quelque chose qui n'a aucun lien avec le monde actuel et la société, mais quelle est ta question? C'était juste. D'ailleurs, j'ai oublié parce qu'en fait, j'étais déjà sur la question d'après. Donc, on va peut-être passer sur la question d'après. Tant pis, puisqu'on fait ça en direct. Et voilà. C'était. Ça revient, en fait, ça reviendra au même si cette question-là. C'est le prochain est sans parler du prochain, mais il est personnel. Il est plus sur toi, sur quelque chose de personnel. Est-ce que tu considères. Parce que c'était un peu ça la question. C'était. Voilà, tu passes à quelque chose, tu te permets plus de choses dans les films. Est-ce que ça, c'est une évolution que tu as sentie? C'est un déclic à un moment donné? Ou c'est tout simplement de dire, ben, comme tu dis, il y a eu beaucoup d'années, voilà, 15 ans, et que d'un seul coup, tu avais besoin de ce temps-là pour peut-être développer ça et te permettre de parler de choses de plus en plus personnelles ou qui touchent le plus proche? Ça revient un peu à ce que je t'expliquais au début. En 15 ans, j'ai fait 3 films. Si je faisais plus de films, peut-être que cet aspect-là serait venu il y a 5 ans, un peu plus tôt. Maintenant, le fait que je travaille pas lentement, mais je travaille énormément pour les autres, fait que j'avais pas pu le dire avant aussi, peut-être. Je pense que c'est aussi ça. De travailler sur les films des autres. Alors graphiquement, on le sait, ce film-là se rapproche un peu du film d'avant, où tu étais créateur graphique, donc du film par réalisateur qui était Rêve d'enfant. Mais travailler sur les films de Franck Dion qui ont s'est engagé, ou des gens, ou ce genre de choses, est-ce que ça te permet toi aussi de débloquer? On dit souvent qu'un auteur, il est entier complètement, et que finalement, c'est intéressant de voir que peut-être qu'on se construit à tout moment avec ou les auteurs, ou les films qu'on regarde, je sais pas, en tout cas, qu'on continue à se nourrir, quoi. Oui, on se nourrit. J'ai bossé sur beaucoup de films de Franck, notamment, et forcément, ça m'a influencé, comme sans doute mon travail l'avait influencé sur Edmond. Enfin, il l'avait dit lui-même. Et on travaille avec Jérémy Clapin aussi. Sur Edmond, il l'avait débloqué. Enfin, c'est ce qu'il nous avait dit, en tout cas. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'il n'avait pas forcément besoin de nous, mais en tout cas, voilà, on se nourrit aussi les uns des autres. Et. En même temps, on n'a pas du tout le même langage, malgré tout, cinématographique. Et un film comme Monsieur Coq, qui parle du monde du travail, est très différent de Full Time Job, qui parle aussi du monde du travail. Moi, je me nourris énormément des films sur lesquels je travaille. Le film de Jonathan Hodgson, le dernier, qui a été fait au studio Rough House, là, qui a démarré sa carrière en septembre, quoi, il y a assez peu de temps, m'a énormément appris en fait sur la manière de travailler. Je pense que ça va m'influencer pour le prochain. Il n'y a que moi qui saura en quoi ça m'a influencé. Personne, enfin, je ne vais pas refaire ce que fait Jonathan du tout, mais forcément ça m'a appris des choses. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est drôle, on est prof dans une même école, on était il n'y a pas longtemps en jury, et souvent on se rend compte qu'on a du mal des fois, enfin, on a du mal à accepter des fois où c'est références ou des choses comme ça, ou des fois on met beaucoup de choses dans un film et puis finalement on a l'impression que tout est dans le film alors que finalement on abandonne des choses. Est-ce que ça, c'est ton écriture, alors pas scénaristique, mais ton écriture d'un film a beaucoup changé depuis au tout début quand tu étais étudiant et aujourd'hui? Est-ce que tu considères que. Les influences te dérangent moins, par exemple, tu les prends, mais tu vas mieux les digérer, tu vas aller plus loin, je sais pas, est-ce que. Y a les influences conscientes. On se dit, voilà, là c'est vraiment pour ce film-là, j'ai besoin. Enfin, je me réfère à un film ou pas d'ailleurs, ça peut être totalement autre chose. Hein. Ça peut être une musique, ça peut être une peinture, ou disons quelque chose qui est là, qui va être une influence visible, une influence. Comme Foot and Jones, c'était la chasse du comte Zaroff au départ, puis voilà, c'est devenu totalement autre chose. Et ensuite, il y a toutes les influences dont on ne se rend pas compte nous-mêmes, en fait, et qui nous guident aussi inconsciemment. Donc, j'en ai redécouvert récemment, en fait, des influences où on en cite aussi. Alors, des fois, effectivement, vous avez raison. Là, j'ai pu être influencé par ça et je m'en étais pas rendu compte. Et des fois, les gens voient aussi d'autres influences et que je ne connais même pas moi-même. Donc là, soit je suis poli, je dis oui, vous avez raison. Soit. Tu googlises, enfin voilà, en tant que tu regardes et j'attendais, je vérifie sur mon téléphone discrètement et ensuite je réponds en disant je connais bien sûr cet artiste, mais non, j'essaie d'être honnête en général et si je connais pas, je connais pas quoi. Mais. Si je te dis que tu, avec, même si Chahut a déjà quelque chose de fort et Love Patate, si je te dis qu'avec Full Time Job, tu deviens plus, encore plus un réalisateur qu'avant, est-ce que tu le prends mal en disant tu te fous de ma gueule, les deux autres étaient comme ça, ou est-ce que tu comprends peut-être ce que je veux dire et que je pourrais développer? Bah, non, même j'espère en fait. Enfin, j'espère vraiment que mon travail de réalisateur s'affirme et s'améliore en vieillissant. Je préfère ça que l'inverse, qu'on me dise bah non, c'était mieux avant quoi. Donc. Non, et même moi je le sens aussi. Ouais. Il y a assez peu de temps où je me disais pas réalisateur avant en fait. Même après Love Patate, j'ai fait que deux films, c'est rien. Trois films, c'est vraiment pas grand chose. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ont déjà fait 10 films. Voilà, alors on peut pas comparer, mais. Maintenant, oui, maintenant j'ose dire que je suis réalisateur. Si je dis ça, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est parce que je pense qu'en effet, il y a des plans, tu oses des plans, tu oses des choses que peut-être il y avait moins avant. Alors, quand on dit réalisateur, c'est qu'il y a un angle qui est peut-être un peu moins classique que peut l'être, et même si il y avait un très beau travail son, image, dans Chahut notamment, évidemment, il y avait un travail d'ambiance dans Love Patate, mais là, on a quelque chose où j'ai l'impression que tu tentes plus de choses à un niveau purement ou mouvement de caméra, ou au contraire, une caméra qui a arrêté, qui a plus d'envie à ce niveau-là. Oui, j'ai expérimenté plus de choses en fait que dans les autres films. Donc je l'ai moins préparé aussi. J'ai fabriqué le film beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc je pense à jouer aussi. Je voulais aller vraiment. Mais j'avais déjà tenté ça dans Love Patate en faisant quasiment pas de storyboard. Là c'est pareil, j'ai pas fait storyboard, je fais directement une sorte d'animatique, donc une maquette du film avec beaucoup de pauses, énormément de pauses des personnages, mais très, très vite fait, mais qui m'ont servi vraiment à animer, et ça n'a plus bougé en fait, et je l'ai fait dans l'ordre chronologique, ça chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que l'animatique, t'as fait ton animatique d'abord, comme tu dis, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que tu devais attendre, en fait, tu t'attends. Ouais, j'ai même pas fait d'animatique, j'ai vraiment fait le film presque. Disons, la première passe d'anime a été faite dans l'ordre, et après, je montais, une fois que je faisais le clean des plans, que je les mettais au propre, je montais tout de suite. Donc le timing était fait au fur et à mesure aussi. Donc j'ai pas eu de travail de montage. Bon, en animation, il y en a beaucoup moins qu'en prise de vue continue, mais. Là j'en avais encore moins que d'habitude quoi. Et tu continues à travailler d'une manière traditionnelle, il y a des pauses clés comme, enfin, il y a des choses où non, c'était même parce qu'il y a certains réalisateurs d'anime qui improvisent et qui improvisent image par image sans non, soucier là, tellement des, toi il y avait des là clés, ouais. Ouais. C'est important cette manière de travailler, ou c'est tout simplement la manière dont tu travailles de toute façon Pour ce genre de film, je trouve que c'est plus efficace parce que parce que je suis pas dans un style de film d'animation où je joue beaucoup avec les déformations, avec disons ce qui fait qu'on trouve l'animation magique quand on découvre l'animation. J'utilise assez peu les spécificités de l'animation, les déformations, les transformations, les effets spéciaux. J'ai plutôt une façon de faire qui se rapproche plus de la prise de vue réelle au niveau des plans. Je suis très classique dans mes cadrages. Voilà, je cherche pas l'innovation graphique dans mes films en fait. Par contre, j'essaye de, avec tout ce bagage classique que j'essaye d'avoir au fur et à mesure des années, j'essaye d'en faire ma propre vision, mon propre langage. Tu disais tout à l'heure, tu mélanges. Est-ce que c'est important de continuer à mélanger cette idée de fantastique? Est-ce que tu penses que le fantastique, justement, permet de mieux parler de la réalité? C'est un fait. Enfin, c'est sûr, quoi. Je pense que beaucoup de films fantastiques parlent vraiment très bien de choses très concrètes, quoi. Donc, maintenant. Oui, j'ai du mal à lâcher totalement le côté fantastique, le côté un peu, pas merveilleux, mais vraiment fantastique. Je sais pas, c'est une façon aussi de moi-même évader aussi du quotidien, je pense. Est-ce qu'à un moment donné, t'as eu l'envie de, bon, t'as créé ce personnage, comme tu dis, de te dire non, il faut que ça soit des êtres humains, le film est en ligne, donc j'espère que voilà, les gens écouteront ou l'ont vu ou le verront, puisqu'il est lisible. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben non, il faut. Ce que je parle, c'est, voilà, c'est l'être humain, enfin en tout cas, ça pourrait être l'être humain, je vais. Non, puisque le premier dessin représentait ce personnage-là, et à partir de ce moment où j'avais dessiné ce personnage qui a quasiment pas changé en fait en plusieurs années, je me suis pas posé la question d'en faire un humain en fait, pas du tout. Donc non. Et des images fortes dans le film, est-ce que c'était pareil quand tu construis le film au fur et à mesure, il y a un moment donné où tu dis non, cette image-là, de toute façon cette action-là, ce moment-là, il est impératif, je suis obligé de le montrer à ce moment-là. Des fois tu dis non, là je vais pas trop non plus montrer ce genre de scène, etc. Ou, encore une fois, ça allait aussi avec le côté un peu entre guillemets coup de poing du film, même s'il n'est pas direct, mais en tout cas voilà. Je voulais pas en tout cas rentrer dans quelque chose de visuellement insupportable. Ça aurait été facile d'être encore plus. C'est pas un film trash visuellement, il y a pas grand chose qui est choquant. Mais j'aurais pu aller pousser le curseur beaucoup plus loin en fait. Mais je me suis dit non, parce qu'on va retenir que le côté trash, et on va oublier le message. On va dire ah, c'est un film trash. Et en général, j'ai de la chance sur ce film, c'est qu'en général les gens perçoivent le film tel que je l'ai voulu. Ils comprennent pas forcément tout ce qui s'y passe, mais ils comprennent, disons, le message global et en général compris. Et en tout cas, on ne dit jamais ah non, là c'est trash. On peut me dire que c'est violent, que c'est un film violent, que c'est un film déprimant, que c'est un film qui met mal à l'aise. Mais on m'a jamais dit ah non, c'est un film trop trash ou provocateur. Ou... Enfin voilà, je voulais absolument pas être dans la gratuité. C'est important ça d'avoir. Je pense que, et pour Shelley Love Patat, tu as eu sûrement des commentaires, mais je pense qu'il y a beaucoup de commentaires sur le visuel, hein, c'est beau, ou c'est ceci, ou c'est cela. Parce que quand on parle du film au niveau du sujet, et quand on était de temps en temps ensemble, enfin dans les festivals ou quoi, j'ai plutôt vu les gens. Alors, si, des gens qui n'osaient pas demander directement sur le film pouvaient dire oh, c'est beau, mais sinon, beaucoup de gens étaient sur le sujet en disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire à la fin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai compris. Est-ce que ça, c'est gratifiant, ça fait plaisir de... Oui, c'est vraiment la première fois qu'on parle quasiment exclusivement que du contenu et non pas de la forme. Donc c'est ce que je voulais en fait. Moi, je voulais vraiment parler du contenu. De toute façon, quand les gens n'ont pas trop de choses à dire sur un film ou n'aiment pas trop, ils vont dire que c'est beau. Ils vont dire ah, c'est super beau, hein. Et puis ça s'arrête là. Et là, on a compris. Hein. Ouais. Donc. Et ça arrive. C'est pour ça que je voulais pas non plus faire un film trop entre guillemets beau, même si, dans le sens attirant et même s'il est plutôt réussi, t'as eu le Emmy Awards de. Oui, ouais, bien sûr. De la meilleure, du meilleur design, etc. Et qui a quand même. Moi aussi, il y a les deux. C'est comme. Ouais, mais je pense que ça veut. Je pense que c'est. Parce que la forme ne bouffe pas le fond, à mon avis. Enfin, en tout cas, je voulais absolument pas qu'on retienne que le visuel du film. Je voulais pas faire un film moche, pas du tout, hein, mais en tout cas, pas un film charmant, un film où tout de suite on se dit waouh, ouais, c'est beau, puis on oublie le reste et on regarde juste des belles images défiler. C'est pour ça aussi qu'on est peut-être à la fois, on est sûrement, parce que tu es tout le temps, t'es pour l'instant dans les premiers films et dans celui-là, dans le Nord, et qu'à la fois, si on ne connaît pas forcément le Nord, c'est peut-être moins évident, enfin c'est évidemment moins évident que dans Chahut, mais même que dans Love Patate, où on est beaucoup plus sur des plans larges, où on va voir la campagne, et ici on n'est pas tant que ça en plan large, enfin on a l'impression qu'on est assez resserré, sauf quand il part en vacances, mais qu'on est assez resserré sur lui finalement. Oui, il n'y a que l'intro du film, enfin disons dans sa maison, où on peut reconnaître effectivement les paysages du Nord et la campagne, mais ça peut être un peu partout ce film, beaucoup plus que les deux autres qui étaient vraiment ancrés dans le Nord de la France. Quand ils sont en vacances, c'est pas dans le Nord, je situais ça plutôt dans les Landes, c'est les plages, les pins et les choses comme ça, mais donc je commence à sortir de ma région, de mes terres. Maintenant, oui. Maintenant, c'était quoi la question quoi. C'était, décidément, on va se perdre dans la question. C'est pas grave. Ceux qui écouteront, voilà, ce sera un petit peu décousu sur ça à un moment donné. J'ai dit, en fait, je pensais à ça, c'est que je pensais à l'acting. Est-ce que j'ai l'impression, tu viens des Gobelins, qui est une école où, souvent, je trouve, en tout cas, l'acting est un peu exagéré, en tout cas, surtout à une époque, mais là, mais toujours, etc. Et là, j'ai l'impression que il y a une volonté d'acting plutôt léger, on va dire, à ce moment que moi j'aime beaucoup, il tombe, voilà, dans sa voiture comme dans un rêve, enfin, cauchemar comme on veut, etc. Et j'ai pas l'impression que tu vas absolument rajouter, il y a cette volonté aussi d'avoir des acteurs qui ont un acting simple, on va dire, et normal. Oui, l'acting c'est un truc hyper important. C'est ce qui va donner aussi une couleur au film. Moi j'aime bien les choses assez sobres, donc j'évite d'en faire trop. Dans mes films en tout cas. Je peux très bien apprécier pour un autre film si le ton du film le demande, exagérer et jouer avec ça. Pour mes propres films en général, j'aime bien le. Enfin, je suis plus pudique en fait. Et j'ai envie de. Non pas de comment dire, de nier tous les principes d'animation que j'ai appris, qui sont des classiques, etc. Mais en tout cas de pas trop en mettre et de pas de, voilà, si le message passe avec une animation simple et qu'il n'y a pas besoin de plus, ben voilà, j'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. C'est aussi parce que, comme tu disais, t'aimes bien beaucoup le cinéma de prise de vue continue et beaucoup de tes références sont finalement des références de films avec acteurs, on va dire, en chair et en os. On fait pas forcément des tonnes, on va dire. Oui, familles, après hein. Ça dépend. Hein. Ça dépend parce que sur ce film-là, je cite souvent Don Bailo de Jarmusch. Et là, certains comédiens en font pas mal, quoi. Donc Benigni, oui. C'est Benigni. Enfin bon, bref. Alors Tom Waits beaucoup plus calme, certainement. Et John Lurie est en train entre les deux, on va dire. Ouais, ouais. Maintenant, c'est sur la prise de vue réelle, j'aurais sans doute moins de facilité à te citer des acteurs ou des choses comme ça. En tout cas, qui m'influencent directement, j'en ai pas vraiment conscience. Mais on va dire, c'est drôle parce que je vais juste te dire ce que tu dis. Je t'ai fait répondre au questionnaire. On le verra tout à l'heure. Voilà, comme ça, les gens le sauront s'ils ont écouté ça. Un long métrage, tu dis Under the Skin. Et j'ai l'impression que c'est un cinéma qui est un cinéma où justement, où encore une fois, on n'en fait pas trop, il y a une espèce d'énigme encore dans les visages des personnages qu'on peut presque retrouver finalement dans tes personnages de Full Time Job. Il y a un côté où on ne sait pas s'ils sont heureux, pas heureux de ce qui est en train de se passer dans leur vie. Ils vivent la chose et puis... Bah c'est marrant parce que je ne pensais pas à mon film quand j'ai cité Under the Skin. Mais en fait, on retrouve des trucs de mon film. En fait, je m'en aperçois là maintenant, mais... ça se passe en Écosse, dans des milieux assez très populaires. C'est presque documentaire parfois ce film. Il y a vraiment des plans. Ouais, on dirait un documentaire social parfois. Et il y a cette incursion là, du fantastique aussi qui arrive et même plus que ça. C'est un film très très compliqué à expliquer comme ça. Alors que bon, il me paraît simple au final, mais. Mais effectivement, les personnages sont très hiératiques, sont très. Elle surtout, elle est presque. Elle n'a presque pas d'âme en fait. Elle est très, très machine, ce personnage joué par Scarlett Johansson. Et même les autres aussi peuvent être. C'est un film voilà, qui est très stylisé, qui peut paraître naturaliste, mais en fait qui n'est pas du tout, en fait pour moi. Justement, ce jeu aussi, alors où tu es plus naturaliste, il n'y a quasiment pas de musique, mais quasiment de son. On peut même presque dire qu'il n'y a quasiment pas de musique. Enfin, il y a 30 secondes de musique. C'était voulu dès le départ. Il y a une hésitation. Tu t'es dit ou non, il fallait que ça soit un peu aride, entre guillemets, pour parler justement du sujet dont tu parles. Je ne voulais pas appuyer sur des moments du film pour dire attention, là c'est plus émouvant ou là c'est plus angoissant. Voilà, donc il y a un moment dans le film où il y a de la musique, assez en retrait, mais qui est très. Qui rythme des passages, qui permet de. C'est une succession de plans qui sont vraiment rythmés sur la musique. Par contre, là, elle sert à faire une ellipse en fait à un moment. Et en fait, dans mes films, moi, j'ai un rapport assez compliqué avec la musique. Dans Chahut, la musique, elle est dans le film. C'est que le personnage entend lui aussi la musique. C'est pas une musique illustrative du film. C'est vraiment la musique. Elle est dans la narration, vraiment. comme disent les professeurs de cinématographie, elle est intra-diégétique. Et dans Love Patate, là j'avais envie de musique, donc j'avais fait appel à un compositeur, Walter Brand, qui avait fait la musique du film, qui était beaucoup plus étrange, assez typée quand même comme musique. Quelque chose que moi j'aurais jamais fait moi-même. Et là dans celui-là, je voulais pas de musique. Enfin, ça a changé en fait pendant toute la production. Mais la musique en général, je n'y pense pas en amont. Je vois si j'en ai besoin ou pas pendant que je fais le film. Là, plus ça avançait, moins j'en avais besoin. Et je me suis dit, juste à ce moment-là, le moment dont je parlais, j'aimerais vraiment bien qu'il y ait un peu de musique. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'en faisant le film, tu as eu peur? Tu t'es demandé, tu t'es dit, tiens, on va me dire que je suis ceci, que je suis cela, te dire, c'est un film qui parle des eaux, qui met dans une situation qu'on allait te mettre dans une case en disant, t'es vegan de gauche, j'en sais rien, enfin voilà, etc. Qui est à mon avis plus complexe quand on regarde le film, mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, ou alors non, tu te poses pas du tout la question, tu fais le film comme tu as envie de le faire et puis tu vois ce qui va se passer par la suite. Je ne suis pas posé la question du tout. Non, vraiment. À aucun moment donné, il y a ou d'inquiétude, ou de se dire, ou non, pas du tout. Non, la seule inquiétude, c'est est-ce que je fais un film qui marche, qui va fonctionner, qui va trouver un public, qui va pas être trop nul, quoi. Voilà, moi, c'est la seule question que je me pose. On voit quelqu'un donc qui est enferré dans une vie quotidienne, il essaye de s'en sortir, comme beaucoup de gens aujourd'hui, dans ton film Incandjiton, qu'on voit à un moment donné, qui n'est pas principal, mais qui est là quand même, dans un coin de l'image quand même important. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vachement réduit aussi au final. Ouais. Donc c'est plus évoqué que vraiment. Mais dans un premier montage, j'avais fait animer les plans d'ailleurs, que j'ai supprimé. Est-ce qu'on fait rarement d'anime? Ouais, y en a eu 2-3 sur ce film quand même. C'est pas grand chose, hein, mais. Et puis je me suis dit, non, c'est trop, ça enfonce trop de. Enfin, disons, ça met l'accent un peu trop fort, et je mélange un peu trop les sujets. Donc, juste les évoquer, cette présence, elle est là, c'était suffisant pour moi. Mais pas de rajouter encore une narration supplémentaire qui aurait alourdi, selon moi, le film. Ouais, il faut rester un peu évasif. Ce qu'est le film, parce que beaucoup de gens, des fois, te posent en disant les questions, est-ce que j'ai vraiment compris ou pas, est-ce que. J'ai pas voulu être évasif, j'ai voulu un peu noyer le spectateur, justement. Donc c'est un peu différent. Bonjour. Ça va bien? Ça va, meilleur vœu. Tu veux ça? Ouais, vous voulez que je vous règle tout de suite? Oh, si vous voulez. Comme ça, c'est fait. Bon, je vais payer. Eh ben, allons-y, monsieur le plombier, et c'est parti. Donc voilà, le plombier est payé. Non, il n'est pas payé. C'est ça, puisqu'on est là, on va. C'est compliqué ou au contraire, c'est passionnant d'avoir une de structure? T'étais déjà venu pour parler de. Enfin, c'était pas toi qui étais venu. C'était Claire, Gabriel qui était venu parler de Train-Train notamment. Tu travailles aussi, t'as créé Papy 3D. Ouais, c'est quelque chose qui est un bon nom, c'est quelque chose qui perturbe ou au contraire d'avoir aussi cette vie de société comme ça, c'est important. Non, moi ça perturbe surtout les gens qui travaillent ici, qui comprennent pas trop des fois si je suis Train-Train ou Papy 3D ou qui confondent les deux. Moi c'est quelque chose que j'ai voulu très très très vite en fait en sortant du DMA donc en 2000. Avec Gabriel et puis un autre camarade mais qui n'est plus là. Enfin il est vivant, hein, je vous rassure, mais. On avait voulu même créer un studio directement après. Mais déjà l'envie, parce que c'est ma question, c'était vraiment que c'est aussi côté administratif, quoi. C'est d'un seul coup de s'occuper, de se dire il faut faire attention à la plomberie, il faut faire attention à ça. Ça peut être aussi des contrats, faut envoyer ceci ou ça, ou des choses comme ça. C'est faire un peu de prof, faire pas mal de prof des fois sur les suivis de projet, des choses oui, comme ça. Oui, pas tant que ça. Puis ouais. On se partage les tâches, et puis après c'est fait voilà, on a notre façon assez rock'n'roll de fonctionner, quoi. Donc, mais non, ça va, ça. C'est pas le pire. C'est cette envie de liberté, comme tu parlais de la création, que tu avais envie dès la sortie de l'ESA de créer en fait ton propre studio. C'est une envie de se dire, parce que tu avais fait des stages dans des gros studios qui t'avaient pas forcément plu, et tu t'es dit, non, moi je tomberai jamais là-dedans. Enfin, en tout cas, j'y vais essayer. Le fait. J'ai détesté, surtout un stage qui vraiment m'a pas plu sur une grosse série. Et je me suis dit, jamais je voudrais faire ça. À ce moment-là, on se dit, mince, pourtant, après l'école, qu'est-ce que. On pense pas à faire des films, on pense que c'est pas accessible, en fait, de faire des films. Et voilà, c'était, je suis désolé, donc on n'aura pas la fin de l'interview de Gilles Cuvelier. C'était de la faute de Francis Gavel et Nicolas Tiss qui ont beaucoup trop parlé. Et maintenant, vous allez encore avoir droit du Francis Gavel. À plus tard. Bouger, je ne peux plus bouger. Bouger d'un cil, bouger serait un crime. Bouger, cligner des yeux. Je ne veux, je ne peux me sortir de ses yeux. Divine, divin hasard qui m'a conduit ce soir à son regard. Divine, si précieux, je ne veux, je ne peux me sortir de ses yeux. Bouger, je ne peux plus bouger. Bouger d'un cil, bouger serait un crime. Bouger d'un pas vers eux, je le veux, je ne peux laisser partir ses yeux.